Bonjour et bienvenue sur Marvelicious, l'épisode 66, épisode hors série, où nous avons décidé en famille de vous parler de notre voyage à Shanghai Disneyland, voyage qui nous a beaucoup plu, où nous avons passé une semaine là-bas à apprécier vraiment d'être sur place et à apprécier vraiment le parc. Pour comprendre les origines de Shanghai Disneyland, il faut remonter à 2011, année où le projet est officiellement approuvé après de longues négociations entre la Walt Disney Company et les autorités chinoises. Cette décision marque le début d'une collaboration stratégique entre Disney et le Shanghai Shanli Group, qui est une société d'État chinoise. Ensemble, ils vont poser les bases d'un parc, pensé non pas comme une exportation du modèle américain ou celui de Disneyland Paris, mais comme une création profondément ancrée dans la culture chinoise. Avant même de dessiner les premières attractions, Disney va mener d'importantes études de marché en Chine, notamment localement. L'objectif était clair, fallait comprendre les attentes Chinois, les habitudes et les sensibilités du public chinois. Et ces études révèlent notamment l'importance centrale de la famille dans les loisirs chinois. Le désir d'espace partagé et la présence pour des expériences immersives plutôt que des attractions trop américaines dans leur narration. C'est pourquoi Shanghai Disneyland est conçu pour être le parc Disney le moins américanisé au monde, tout en conservant l'essence de la magie Disney. Et vous verrez, on va vous en parler, mais on a vite vu, en arrivant sur place, que ce parc n'était pas du tout américanisé. Cette volonté d'adaptation culturelle se retrouve dans l'architecture, dans les spectacles, dans la gastronomie aussi, et même dans la manière dont les files d'attente et les espaces de repos sont pensés. Disney veut créer un parc où les visiteurs chinois se sentent chez eux, tout en découvrant l'univers Disney dans une version qui leur parle vraiment, et non pas dans une version qu'ils peuvent uniquement parler aux internationaux. Bob Iger, alors PDG de Disney en 2011, a souvent souligné l'importance stratégique et culturelle de ce projet, puisque lors de l'ouverture du parc, il déclarait que Shanghai Disneyland représentait une opportunité incroyable pour la Walt Disney Company, et dès les premiers mois d'exploitation, il avait vu et dit que les résultats étaient fantastiques. Ça dépassait même les attentes internes, pour vous dire, en termes des fréquentations. Et je crois, si je ne me trompe pas, que de fait, les fréquentations du Shanghai Disneyland sont en forte hausse et qu'il doit être dans les 5 premiers mondiaux. Je m'avance peut-être, il faudrait regarder ou fast-checker, mais j'ai cru lire cela quelque part. Et il affirmait aussi que le parc disposait d'immenses possibilités d'expansion. Or, clairement, on a été sur place, comme vous savez. Oui, clairement. À mon avis, dans l'avenir, Walt Disney World aura un sacré concurrent avec Shanghai Disneyland. Et il a prononcé une phrase aussi en 2011, je crois. J'ai pu la retrouver. Il avait dit, il avait sorti une devise pour Shanghai Disneyland. Il a dit que Shanghai Disneyland devait être authentiquement Disney et distinctement chinois. Et je vous informe que 15 ans plus tard, cette expression, elle est bien là, elle est bien réelle, et je pense qu'elle doit demeurer le fil rouge de ce parc à thème. C'est ainsi que, en découvrant toutes ces histoires, toute cette origine, cette volonté de créer un parc profondément chinois dans son âme, tout en restant fidèle à l'esprit Disney, c'est en apprenant tout ça, en se renseignant, que nous avons eu l'envie, avec Julie et les filles, d'aller explorer Shanghai Disneyland par nous-mêmes, comprendre comment est ce parc, comment il est façonné, comment est l'ambiance là-bas. Bref, pour vous dire, on est arrivé sur place, on n'a pas découvert seulement un parc d'attractions, on a aussi découvert une culture chinoise bien ancrée, et le fait que Disney a dû s'adapter à cette culture. Bref, intro bien longue, mais c'est pour vous présenter le contexte. Je vous laisse dorénavant écouter l'épisode où vous aurez Julie, mon épousée, et mes deux filles qui vont vous exprimer aussi comment elles ont ressenti. Alors, Salomé a 11 ans et Clémence a 6 ans. Donc, si vous avez des enfants, eh bien, je vous invite à écouter ce podcast puisque vous découvrirez comment une famille française peut découvrir un parc vraiment original. Non. Bonjour et bienvenue, comme promis, en famille, où je suis accompagné de Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. De Salomé. Bonjour. Et de Julie. Bonjour. Pourquoi tu fais une voix comme ça, toi? Bonjour. Bon, alors on va vous parler un peu de notre voyage à Shanghai Disneyland. On va aller de la préparation du voyage, les filles, jusqu'à la fin du voyage. Et puis on va parler un peu de nos ressentis, etc. Alors c'est en janvier de cette année qu'on a décidé, fin janvier, après avoir passé, on va dire, un mois de janvier très studieux au travail, que nous avons décidé avec Julie de partir à Shanghai Disneyland et de pouvoir profiter de ce parc pendant un délai d'une semaine. Et en plus, c'était aussi l'occasion de profiter de voir une ville qu'on n'avait jamais vue auparavant, qui est Shanghai, et de voir un peu la culture chinoise. Bref, on avait tous les compteurs qui étaient ouverts et on avait décidé avec Julie de partir pour Shanghai Disneyland. Et chose toute simple, on a d'abord réservé des billets pour voir quel était le prix le moins cher et les périodes. Et ensuite, en fonction des départs, aller et retour, on a réservé nos billets pour l'hôtel et les billets d'entrée. Donc on avait le choix entre deux sociétés, donc Air France et China Eastern. Voilà, alors on a été un peu choqués parce que China Eastern, je crois qu'on avait entre 10 et 12 heures de vol. Et Air France, c'était entre 13 et 15 heures. Et en fait, on a découvert. Alors, tu te souviens pourquoi il y a moins de temps, Salomé? Parce qu'on ne peut pas passer par la Russie. Si, voilà. Avec China Eastern, on passe par la Russie. Donc, on a 2 heures de moins. Alors qu'Air France, on ne peut pas. On ne peut pas passer par la Russie. Donc, du coup, c'est plus long. Et on a été globalement agréablement surpris par on va dire la prise en charge. Enfin, je sais pas. China Eastern, ça a été. Hein. Oui. Après, il n'y a pas de buffet. Oui, alors après, la nourriture, c'est un peu trop. Enfin, c'est chinois, donc pour les enfants, c'est pas forcément adapté. Il n'y a pas de menu pour les enfants. Et les films dans l'avion, c'est en chinois ou en anglais, sous-titré chinois. Donc, voilà. Prévoyez. Ça limite un petit peu, surtout pour les enfants. Prévoyez les tablettes et les téléphones portables avec les téléchargements. Il n'y avait pas droit à la tablette. Ah oui, il n'y avait pas droit à la tablette, c'est vrai. Ni aux batteries portables. Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans China Eastern, vous avez deux repas par... deux repas. Il y a un repas en décollant et un peu avant l'arrivée. Et entre deux, vous n'avez rien. Donc si le vol dure 10... Ok, merci Clémence pour ton intervention. Si vous avez entre 10 et 12 heures de vol, vous vous dites qu'il y a deux repas, il n'y a rien entre temps, donc il faut prévoir. Il faut prévoir des petites choses à manger entre deux. Et c'est vrai que pour les boissons, je pense qu'il faut demander. On peut sinon, y faire. Sinon, il n'y a pas accès. On peut faire rien. Il n'y a pas accès au buffet de boissons. Non, il n'y a pas de buffet, rien. Donc il faut prévoir des chips et des gâteaux pour les enfants. Des boissons éventuellement. Après, vous pouvez prendre une gourde avec de l'eau, ça, vous pouvez remplir avant le décollage. Et oui, c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a pris notre gourde, on l'a remplie et on a acheté d'autres boissons et des snacks pour le retour parce qu'à l'aller, on ne savait pas. Et donc pour Air France, on ne sait pas comment c'est. Pour Air France, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas vous dire. En tout cas, bonne expérience avec China Eastern. Le personnel très agréable. Les sièges aussi. Après, t'avais des couvertures, des oreillers, tout ça. Ouais, même si t'avais pas de. Pour ça, généralement, d'oreillettes pour écouter. Les couvertures et les oreillers, il y en a dans tous les vols. Merci Clémence. Donc, on disait qu'on avait. Ils venaient avec des oreillettes si on n'avait pas de casque pour écouter, mais attendez qu'il n'y ait pas de traduction en français, puisque c'est uniquement en chinois ou en anglais. Il y avait quand même des films en français. Oui, il y avait quand même des films en français, c'est vrai. Deux, je crois, surtout. Oui, voilà. Il y en avait qui étaient. Ouais, pas grand-chose. C'était lesquels en fait, c'était Secret des Mésanges et puis un autre film. Oui, il y en avait deux. Oui, alors après, tu pouvais regarder Wall-E. Donc Wall-E, il n'y a pas trop de dialogue, donc ça va. Ça va. Donc ça, bon. Après, voilà, faut vous dire que c'est 12 heures où il va falloir colmater puisque c'est chinois ou anglais, quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous partez, vous ne pouvez pas partir avec votre batterie classique portable pour recharger votre téléphone portable. Il faut l'acheter là-bas. Alors même si c'est marqué derrière votre batterie portable Made in China, du coup c'est pas autorisé puisqu'il faut avoir la norme CCC. Si vous n'avez pas derrière la norme CCC votre batterie portable, du coup vous ne pourrez pas ou la ferait prendre à la douane. Alors c'est important, les notes sont Made in China avec écrit CE derrière, mais même si c'est Made in China, ils en veulent pas. Voilà, c'est ça, ça nous avait étonné. Et il faut, alors là il n'y a pas de visa, on a pu y aller, donc il n'y a pas de visa jusqu'au 31 décembre 2026, une exemption de visa, mais il faut quand même remplir un truc sur internet qui est l'arrival card. Oui, tu l'as pas vu. Mais en fait, c'est vous allez sur internet pour en fait la carte d'arrivée, parce que bon, on en parlera, mais les Chinois ont une adoration pour la reconnaissance faciale, voilà, et savoir vos moindres faits et gestes dans leur pays. Et du coup, en fait, vous devez remplir l'arrival card qui vous donne un QR code, et en fait, à l'immigration, ils scannent le QR code en plus de votre passeport, mais il n'y a pas de visa. Et vous pouvez le faire en ligne soit à l'aéroport. Alors, on a pu le faire à Paris, nous. Voilà. Mais vous pouvez aussi le faire sur place. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, je sais pas si tu as vu, il y avait des machines. Et si les machines ne machinent pas, tu avais des stylos. T'as pas vu? Avec des papiers à remplir. Ah, je peux faire attention. Oui, bah ça avait l'air de se battre pour les stylos, par contre. Et voilà. On a aussi remarqué qu'en fait, ils prenaient des gens au hasard pour la sécurité. Oui, ils prennent des gens au hasard pour vous fouiller. On a vu aussi. Voilà. Donc l'immigration, ça s'est bien passé. Bon, c'est très strict, hein, faut dire ce qui est. Faut avoir l'arrival card et les passeports. Il n'y a pas besoin de visa. Alors je sais plus ce qu'il nous a dit le gars. Demande pourquoi. Pourquoi vous êtes là, ouais. Combien de jours Quand est-ce qu'on repart? Quel hôtel on est? Et si on a bien téléchargé l'application pour payer à l'IP? Parce qu'en fait, ils ont pas de cash. Enfin, le cash, c'est pas du tout. Enfin, vous trouverez pas de moyen d'avoir du cash. C'est très difficile en tout cas. C'est possible, mais c'est très rare. Donc, on a dû partir. On vous expliquera tout de suite. Mais on a dû, tout en sachant qu'on peut avoir de cash, on a dû faire pas mal de démarches pour pouvoir payer. Merci Clémence pour ton prout de la bouche. C'est vachement intéressant. Hein. Bref. Bref, pour dire, c'est que on n'a pas eu trop de problèmes pour l'immigration, juste si on a le billet de retour aussi, je crois, la date de retour. Voilà. Donc et ça a été globalement facile puisqu'on était en famille, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du visa et de sur place. Par contre, faut pas oublier que c'est la Chine, donc du coup c'est pas la même manière de voir les choses pour l'immigration. Vraiment. Alors on a dû... Ouais, non, vraiment pas. En fait, vous pouvez pas partir sans installer des applications. Oui, sans avoir de papier et tout ça. La première chose qu'il faut faire, c'est quand vous réservez l'hôtel, on en parlera tout à l'heure comment on a fait, il faut faire le mail en anglais, mais aussi le mail en chinois. Donc il faut que vous imprimez votre mail en chinois. Il n'y avait pas en mandarin aussi. Bah, c'est mandarin et chinois, c'est pareil. C'est... Okay. Parce que les chinois parlent mandarin. Et il fallait des applications, donc... sachez que vous n'avez pas WeChat sur place, il n'y a pas Instagram, non. Facebook. En fait, toutes les applications occidentales sont bloquées. Donc, avec Julie, on a dû télécharger un VPN. On a téléchargé Let's VPN. Oui, parce que j'ai NordVPN normalement, mais mon NordVPN ne marchait pas. J'ai essayé sur place, ça ne marchait pas. Il n'y avait que Let's VPN qui fonctionnait. Donc vous pouvez, si vous voulez utiliser WhatsApp, Instagram, Facebook, voilà, il faut absolument avoir un VPN. Sinon, les deux seules applications que vous pouvez utiliser, c'est WeChat. Oui. Alipay et il m'en manque une. WeChat, Alipay. Bah, c'est un autre truc pour communiquer, je crois. Oui, c'est WeChat. Mais je sais plus c'est quoi l'autre... Et TikTok, voilà. Oui. Le TikTok chinois qui a pas le même nom. Ouais. Du coup, on a vu plein de Chinois. Et il faut aussi télécharger Didi. Ah oui, les Uber. Les Uber. En fait, c'est l'équivalent de Uber. Oui, mais c'était par WeChat, non? Oui, je l'ai fait par WeChat. Si vous avez pas, si vous téléchargez pas l'application Didi, tu peux le faire par WeChat. C'est d'ailleurs plus pratique par WeChat parce que ça fait un paiement en direct. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, j'en parlais tout à l'heure, c'est que on n'a pas la possibilité de payer en cash. Enfin, c'est quasi impossible, on va dire ce qui est. Et la visa ne passe pas, sauf à Disneyland. Mais c'est la galère. tu te rappelles, non, pour la visa? Pour la visa, en fait, à un moment donné, l'application ne fonctionnait pas. J'ai voulu prendre ma visa, c'était ma carte Revolut. Et en fait, ils avaient dû chercher la machine ailleurs, dans une autre caisse. Et en fait, ils ont dû prendre... Je l'ai fait en sans contact, mais il fallait que je signe deux papiers. Voilà, ça a mis vachement de temps. Mais après, une fois qu'Alipay fonctionnait, ça posait pas de problème. Donc vu qu'il n'y a pas de cache, vous êtes obligé de télécharger Alipay. Alipay, où vous devez mettre l'empreinte de votre carte bleue dessus. Et WeChat aussi. Et il n'y a pas d'autre moyen de payer. Enfin, j'ai pas... Non. Après, il n'y a pas d'autre application. Non. Après, c'est mieux d'utiliser Alipay parce qu'il y a moins de frais quand vous payez sur Alipay. Oui, parce que WeChat, il y avait plus de frais. Il y avait plus de frais sur WeChat. De toute façon, ils vous demandent. Après, les frais, c'est un peu aléatoire parce que des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. On ne sait pas trop pourquoi. Des fois, on a eu des coupons de réduction, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Mais bon, à chaque fois, les frais, c'était vraiment pas grand-chose. Non. C'était genre 50 centimes, 60 centimes, 1 euro, mais ça ne dépassait pas grand-chose. Hein. Donc, voilà. Et en plus, le parc, on en parlait tout à l'heure, le parc est vraiment pas cher par rapport à chez nous. Donc voilà. Donc faut partir absolument avec Alipay. Et je pense que WeChat aussi, c'est indispensable. Et pour vous déplacer, prenez pas les taxis, surtout pas, parce qu'ils sont. On nous avait dit sur ils place. Ils peuvent nous arnaquer. Ouais, on nous a dit qu'ils peuvent nous arnaquer. Donc Didi, c'est très bien, c'est l'équivalent de Uber. Et pour vous dire, pour faire 25 km, on a payé 3 euros. Et pour faire 80 km, on avait payé même pas 8 ou 9 euros. Pas grand chose. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà, je pense que pour l'organisation du voyage, c'est bon. Oui, alors après, il y a aussi, si on peut le dire, sur place au niveau de la connexion Internet, parce qu'il y a le Wi-Fi du parc qui est gratuit, mais ça n'a jamais fonctionné pour nous. Oui. Donc, on peut que conseiller aux gens de prendre un forfait international, parce que vous risquez de ne pas avoir Internet. Oui, nous, on avait pris FreeMax de Free. Voilà. Mais vous avez que Internet illimité, mais ça suffit. Oui, mais ça suffit si vous téléphonez pas, ou après vous pouvez téléphoner via WhatsApp ou les applications qui permettent de téléphoner par Internet. Ouais. Mais... Puis une carte SIM sur place, ça sert à trop à rien. Oui, non. Prenez un forfait international. Forfait international. Quitte à l'avoir pour le mois et après le résilier. Oui, c'est ça. Après résilier éventuellement, mais. Ça suffit. Nous, on avait FreeMax et ça suffit largement. On n'a pas eu de surcoût. Rien. Ouais, c'est ça. C'était compris. Puis c'est surtout que. Il y a plusieurs, il y a pas que la Chine, il y a d'autres destinations, donc ça peut servir après pour d'autres voyages éventuellement d'avoir ce forfait-là de illimité en données internet, parce que je crois que le forfait classique, en tout cas chez Free, c'est pas beaucoup de données à l'étranger en tout cas. En tout cas, on a décidé de partir au mois d'avril parce qu'on nous avait dit que c'était la meilleure saison. Il faisait bon. Hein. Il faisait bon. Oui, il faisait 20 degrés. 20 degrés. On nous a dit que l'été, c'est un peu comme Orlando. C'est assez insupportable. C'est horrible. Oui, ce qu'on nous a dit. Et que la meilleure période, c'était avril. Donc nous, on n'a pas eu de pluie. Il a fait beau et gris, mais il n'a pas... J'ai eu deux fois crachiné. Il a crachiné, c'est vrai. Il a crachiné. Crachiné. Mais c'était plutôt pas mal comme temps. On peut vous conseiller d'aller au mois d'avril et éviter surtout le mois de mai et d'octobre. Puisque là il y a plus de monde apparemment. Puisque les Chinois sont en vacances. Voilà, parce qu'ils sont tous en vacances en même temps. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut éviter les périodes où eux sont en vacances. Voilà, parce qu'en fait, oui, et on voit bien que même parce que l'affluence dans le parc est beaucoup plus importante. Là, il y avait un peu de monde, mais franchement, c'était. Ouais, encore. Après, on se rend pas compte parce que c'est tellement grand aussi. Oui. Voilà. Alors, mois d'avril, et puis on a décidé avec les filles de faire les deux hôtels. Oui. Donc le Toy Story Hotel. Et le Disneyland Hotel. Vous avez préféré lequel? Bon, je sais déjà. Disneyland Hotel. Ah, okay, Disneyland Hotel. On a fait 3 nuits à Toy Story et 3 nuits au Disneyland Hotel. Et c'était bien comme expérience. Mais quand on y retournera, je pense qu'on ira que... Que au Disneyland Hotel. Bah voilà. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Parce que du coup, Toy Story Hotel, c'est l'équivalent duquel chez nous Sequoia. Ouais, Sequoia... Après, il n'y a pas... Il n'y a pas énormément de services proposés. T'as ta chambre, quoi. Il y a une chambre classique. Je ne sais même plus. Si, t'as quand même une machine à café dans le. Oui, t'as une machine à café. Et une bouilloire. Oui, comme chez nous, quoi. Après, ce qui est plutôt sympa là-bas, c'est qu'il y a des cadeaux. Ah oui, il y a des mugs. On a des cadeaux. En fait, vous avez des mugs qui sont en cadeau. C'est plutôt pas mal. Et en plus, des brosses à dents. Des brosses à dents. Ah oui, ils ont les brosses à dents. Tous les jours, ils nous donnent des brosses à dents. Comme si. On pue de la bouche. J'ai pas trop compris le concept des brosses à dents. Et des chaussons. Tous les jours. Changer nos chaussons. Et un sac de l'hôtel réutilisable que si vous le ramassez, vous en remettez un à chaque fois. Ouais. Mais par contre, sur des brosses à dents, j'ai pas compris. Oui, non. Les chaussons. Enfin, les chaussons, on va pas changer de chaussons tous les jours. Quoi. Avec les mains, tu faisais quoi avec les brosses à dents, toi? Les brosses. Pourquoi tu les brosses? Tu les ouvrais. Tu les ouvrais à chaque fois. Et puis on avait des chaussons. Dans la nuit. Oh, je t'ai pas vu te réveiller la nuit pour te brosser les dents, ça m'étonnerait. Oh, voilà, et puis c'était un hôtel qui était plutôt sympa. franchement. Oui. Et la nuit était à peu près à 200 euros, je crois, la nuit. 150 euros. 150 euros, ouais, la nuit. Et après, on a fait le Disneyland Hotel, qui est l'équivalent bah, du... Je pense que c'est l'équivalent, parce qu'on n'a jamais fait le Disneyland Hotel à Paris. Mais je pense que c'est l'équivalent, on va dire. Oui, alors... Après, c'est pas en termes de prix, parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher. 250 euros la nuit. Nous, c'est 1000 balles ou 1200 balles. Chez eux, c'est 250 euros pour le même service. C'est vraiment... Je pense. Ouais. C'est vraiment le luxe, là. Le même service, je sais pas, parce que... Bon, comme on n'a jamais fait le Disneyland Hotel, on ne sait pas vraiment ce qu'ils proposent comme service. Après, il y a des peignoirs, mais c'est pareil, les peignoirs, on peut pas les... je crois qu'on n'en a que deux dans la chambre, mais on peut demander à les acheter. Ah oui. Je crois. Ouais. Faut demander, je crois. On a eu des mugs, encore, en cadeau. Il y a des mugs, il y a des... café, oui, voilà. Des trucs pour tenir les bouteilles, là. Je ne savais même pas que ça servait à quelque chose. Des porte-bouteilles, ouais. Des porte-bouteilles. Ouais. Des name tags pour mettre sur les valises. Ouais, aussi. Un puzzle. Un puzzle. Une petite serviette. Une petite serviette. Voilà. Pour laver les mains. Voilà. Moi, ouais, c'était pas mal. Et puis, on a le privilège d'avoir des toilettes à la japonaise avec le siège chauffant. Est-ce que c'est testé et approuvé ? Ça fait son petit effet. Bon, après, moi, je suis pas fan du G, mais. Faut aimer le G. Voilà. Mais bon, il y a quand même du papier toilette pour les gens qui ne veulent pas tenter l'expérience des toilettes japonaises. Ça, et puis on avait aussi la fée Clochette qui faisait des illuminations au-dessus du lit. Oui, sur la tête de lit, il y a une petite animation qui est très sympa. Ça fait son petit effet. Ouais. Et puis les rideaux s'ouvrent avec une télécommande. Qui sont, un bouton. Voilà. Ouais, c'est un bouton. C'est automatisé. Après, tu vois bien que c'est le luxe quand même. Oui, c'est quand même. À 250 balles, c'est pas cher. Non, ça fait pas cher le luxe, mais les lits sont très confortables. Tout est très propre. Bon, après, l'autre hôtel était très propre aussi. Hein. Oui, c'est propre. Je crois que les Chinois, ils sont très fixés sur l'hygiène. Donc, je pense qu'au niveau propreté, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et ça ne dérangeait pas de laver alors que tu étais en train de t'habiller. Que la dame elle voulait rentrer pendant que... Oui, par contre, si vous êtes encore dans votre chambre, il faut pas oublier de mettre le bouton ne pas déranger, parce qu'en fait là-bas il y a appuyer sur un bouton comme un interrupteur et en fait ça allume une lumière dans le couloir. Ça fait un petit bouton rouge pour dire que vous n'êtes pas disponible, donc c'est un peu la technologie, c'est pas un petit papier qu'on met sur la clenche de porte. C'est vraiment quelque chose de plus high-tech, on va dire. Complètement. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas vu. On avait vu qu'il y avait des petits boutons rouges à allumer au niveau des numéros des chambres dans le couloir, mais on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Moi, je crois que c'était à dire chambre sinistrée. ou chambre... Moi, je pensais que c'était chambre vacante ou je ne sais pas. Et en fait, non, ça voulait juste dire que c'était ne pas déranger. On n'avait pas le panneau. Si, on en avait un quand même. Oui, mais bon, après, je l'avais mis et elle voulait quand même rentrer. Là. Oui, donc au final, c'est pas ça qui l'empêchait de venir. Alors que dans l'autre hôtel, on a dormi un peu plus tard une matinée et la dame a mis un mot sous la porte en disant on repassera plus tard. Oui. Et on avait le droit d'avoir un petit mot aussi de la dame qui venait laver. Oui, alors pour le coup, on pensait que c'était un mot gentil, mais en fait non. C'était pour dire qu'on n'avait pas compris les règles d'hygiène dans le pays, c'est-à-dire que il ne faut rien poser sur l'évier. Autour de l'évier. Directement, il faut mettre une serviette ou des mouchoirs en dessous. Parce que ce n'est pas hygiénique chez eux de poser ces produits autour d'un évier. Donc alors on avait que... un mot qui nous disait... Donc voilà, la dame qui faisait le ménage nous disait « Attention, soyez vigilants, mettez quelque chose pour poser vos produits, car ce n'est pas hygiénique. » Oui, mais voilà. Gentiment. Oui, gentiment. Bon, après, c'est écrit en chinois, donc gentil ou pas gentil, de toute façon. Ah, d'ailleurs, oui, en application Google Trad. Oui, aussi. Et Google ne fonctionne pas là-bas, même avec le VPN, c'est quand même bugué. Donc, du coup, on était obligé de télécharger en avance la langue. Oui, c'est ça. Fallait avoir prévu au moins le chinois pour. Mais l'application, c'était pour pouvoir traduire. Si tu avais l'application traduction de chez Apple, ça fonctionnait. Oui. Et ce qui était bien, on en parlera tout à l'heure. C'est que ça permet. Ça, et un convertisseur aussi, c'est très utile. Ouais, yuan, euro. Le yuan et l'euro. Oui, parce que là-bas, c'est pas la même monnaie. Donc, effectivement, pour savoir combien on achète les choses, c'est bien de pouvoir avoir un convertisseur accessible sur son téléphone. Parce que les sites, on sait pas trop si ça va fonctionner là-bas. Donc, quelque chose d'accessible et qui est déjà fonctionnel, c'est bien pratique. Tout à fait. Bon, en tout cas, et puis pour alors du coup là pour l'hôtel c'était plutôt pas mal, et les billets alors c'était plutôt pas mal aussi, parce que quand vous commandez, quand vous réservez à l'hôtel directement sur leur site, ils te proposent deux billets en plus à acheter avec une réduction de 10%, donc faut mettre votre date à laquelle vous allez au parc. Et si vous avez droit qu'à deux jours en fait, tu sais pas parce que c'est moi qui ai réservé, mais en fait ils proposaient que deux jours de billets, donc on avait pris trois nuits, donc c'était trois jours, mais on avait que deux jours de billets, donc on a dû prendre un autre jour supplémentaire qui est notre jour d'arrivée à part. En fait, en gros, j'ai pris le lundi, on est arrivé le mercredi, j'ai acheté le mercredi juste le billet sur internet, et le jeudi et vendredi t'es inclus dans l'hôtel. Et donc on a repris avec le deuxième hôtel, c'est ça. Les deux autres jours. Voilà. D'accord. Donc faut vous dire un truc, c'est que vous avez que deux billets possibles à acheter avec la réduction de moins 10% pendant la période où vous êtes à l'hôtel. Donc si vous passez 4 jours, tu n'auras droit que à 2 jours. Après, faut prendre les billets à part. Particularité, on ne peut pas payer le billet plus d'un mois avant. On ne peut pas réserver plus d'un mois avant les billets. Vous pouvez réserver. Et nous, on a réservé la semaine d'avant, donc ça va. Et vous avez un nombre incalculable de propositions de billets différents. Il y avait quoi comme billet billet normal, ouais. Billet early bird qu'ils appelaient, c'est quand tu pouvais arriver aux heures de magie en plus. Ouais. Il y a des billets avec les où on peut acheter des pop-corns à volonté. Oui. Dans le parc. C'est ça, c'était marrant ça. Et les jamais voulaient comprendre ça, mais tu manges pas de pop-corn toi. Et les billets famille aussi où c'est un adulte, un enfant. Mais c'est limité. Mais du coup, c'est limité. Et le jour où on y allait, justement, le premier jour où on arrivait là-bas, il n'y avait plus de ce type de billets. Donc, on a pris des billets. Ouais, en fait, il y a plein de types de billets différents. Et je vous conseille, c'est juste que prenez bien le temps de lire, entre guillemets. Voilà. Nous, on avait pris les billets classiques, Early Bird, je crois, Early, je ne sais pas quoi, Access. Ou... Non, même pas. One Day Ticket. Ouais, voilà, One Day Ticket. Non, mais en fait, on a pu bénéficier quand même de l'entrée dans le parc avant 9h30. Puisqu'on était à... avant 8h30, pardon, parce que là-bas, c'est 8h30, c'est pas 9h30. Parce qu'on était déjà à l'hôtel, enfin, on avait la réservation d'hôtel pour le soir. C'est comme le Disneyland de Paris. Donc, grâce à ça, on a une entrée... qui permet de rentrer plus vite dans le parc, parce qu'il faut savoir que dans le parc en Chine, vous pouvez attendre jusqu'à 1h30, voire 2h, pour rentrer dans le parc, parce que les gens, ils arrivent déjà je pense que si à 8h pour... peut-être même 7h pour rentrer dans le parc à 8h30. C'est un peu comme au Japon, j'ai l'impression qu'ils arrivent tous une heure et demie. Ils arrivent très tôt, et c'est vrai qu'il y a un matin où on n'a pas pris le... On n'avait pas pris la bonne entrée, et du coup, on a réussi à revenir sur l'entrée via leur Disney Village, Disney Town. Et effectivement, si on n'a pas cette entrée particulière privilégiée, on peut attendre longtemps. Ouais. Ah, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas... c'est que, en fait, une fois que vous avez acheté vos billets, en fait, ils sont titrés à votre nom. Ils sont individualisés à votre nom et il faut juste votre passeport pour rentrer. Ça sert à rien d'avoir. Oui, on n'a pas les billets sous forme. Ni rien. On n'a pas de QR code. Rien. En fait, on donne le passeport à l'entrée et là, ils impriment les billets. Et puis ils prennent votre photo. Mais bon, après, comme il n'y a qu'un seul parc, on n'a pas forcément amené à rentrer, sortir. Après, on peut, bien sûr. Mais nous, généralement, on a fait toute la journée dans le parc, on n'est pas ressorti. Tu peux, et oui, c'est ça. Dans la même journée. Une entrée par Disney Town qui est toute petite, qui est pour les heures de magie en plus et les hôtels, les résidents d'hôtels. Et l'entrée principale qui est grande et qui, là, vous attendez au moins deux ans. Alors après, quand vous arrivez plus tard, c'est pas la même entrée, il y a deux entrées. Quand vous arrivez plus tard, c'est aussi à Disney Town, mais c'est pas au même endroit. Parce qu'en fait, jusqu'à 9h30, on peut rentrer par cette entrée dans Disney Town. Et après, on peut rentrer par là que si on est sorti du parc et qu'on veut revenir dans le parc. Parce que là-dessus, ils sont très... c'est très organisé. C'est pas la même entrée si vous êtes déjà rentré dans le parc et vous revenez dedans que si vous faites votre première entrée dans le parc. Ça, c'est un peu... ça, c'est un inconvénient, parce que le temps de comprendre le truc, oui, c'était un peu difficile pour nous. Voilà. Parce que chez nous, c'est pas comme ça. Si vous rentrez dans le parc, vous repassez toujours par la même entrée si c'est pour revenir dans la journée, alors que là-bas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, armés de notre réservation aux hôtels, de nos billets d'avion, de nos applications, de nos mails en plus anglais et chinois, on est arrivés. On a réussi à arriver jusqu'au parc. Voilà, on avait tout ça, on est arrivé jusqu'au parc. L'accueil, on a d'abord déposé les valises. Alors ça, oui, il y a un bagagiste. Quand on arrivait à Toy Story Hotel, parce que c'était le premier qu'on faisait, il y avait un bagagiste qui a ouvert carrément le porte. Là. Qui nous a pris nos bagages, qui nous a tenu la porte pour sortir de la voiture. Il a pris nos valises et il a dit « Vous les retrouverez quand vous reviendrez ». Et contrairement à Orlando, c'est pas un service payant. Non, c'est-à-dire que la personne ne va pas vous demander un pourboire pour avoir porté vos valises. Là, pour le coup, c'est gratuit. Et ils gardent du coup les bagages dans une consigne. Et quand vient l'heure de... quand votre chambre est prête, ils emmènent vos bagages dans la chambre. Sauf pour le Shanghai Disneyland, où on est arrivé vers 11h, où là, nos bagages étaient déjà dedans. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc... Oui, alors après, on aurait pu aussi demander le transfert des bagages du Toy Story au Shanghai Disneyland. Ouais, a priori, c'est possible de le faire. On l'a pas fait. Bon, après, on n'avait pas beaucoup de bagages parce qu'on n'a pas voulu mettre de bagages en soute, donc on n'avait que des bagages cabine. Donc pour nous, c'était pas non plus trop galère pour prendre les valises et changer d'hôtel. Parce non, et puis on voulait voir l'hôtel aussi. Oui. Si on pouvait déposer le bagage et partir, mais on voulait voir l'hôtel de Shanghai Disneyland aussi. Et pour vous dire, c'est aussi, on le dit, pour aller au parc, c'est un bus. Prenez le bus, il y en a un toutes les 10-15 minutes, un peu comme Orlando. Et c'est pas trop dur, c'est marqué direction Shanghai Disneyland Hotel ou direction Shanghai Disneyland. Shanghai Disneyland, ouais. Disney Town. Ou même le métro, direction de métro aussi. Mais pour information, c'est si vous prenez un hôtel qui n'est pas un hôtel Disneyland, là vous allez vous payer les 2 heures de. 1h30, 2 heures de queue. Oui. Sauf si vous prenez les billets Early. Non, même pas. Non, tu dois payer 2 heures de queue. Si, je crois qu'il y a des billets Early Access. Ok. Bah, du coup, ouais, donc là. Je crois qu'il y a quand même des billets Early Access. Alors après, je sais pas. Après, ils en ont tellement de billets différents. Si, oui, c'est ça. Et puis. Tu te rends compte, ils font même des billets popcorn à volonté, ouais. Quoi, pour dire. Pour dire. Après, les Early Access, ça s'appelle pas d'ailleurs Early Access, ça s'appelle Early Bird. Ouais, Early Bird, ouais. Oiseau de... Oiseau en avance. Je sais pas. Oiseau tôt. La chose aussi qui nous a surpris, c'est qu'en arrivant, on nous avait prévenu, mais ils parlent pas anglais, c'est une catastrophe. Non. N'attendez pas à une seule fois, sauf exception, que vous tombez sur la perle rare. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Mm. Ils parlent pas anglais, ça veut dire hello, thank you, voilà, et goodbye. Ou bye bye. Et en fait, ils parlent pas anglais, c'est terrible. Si vous tombez sur un employé qui parle anglais, bah écoutez, on a tombé sur 3-4 anglais. C'est que vous avez de la chance. Ouais, si vous avez de la chance, 3-4 personnes qui parlent après, anglais. Alors à l'hôtel, peut-être un petit peu plus quand même. Ce qui est énorme, c'est que quand ils nous voient arriver, ils voient bien qu'on n'est pas asiatique, c'est qu'ils se barrent tous. Ils s'en vont pour chercher le seul qui parle anglais. Par exemple, au Toy Story Hotel, on est arrivé. Du coup ils ont vu qu'on n'était pas chinois, du coup tout de suite on nous a pris en charge, on a dit lui il parle anglais. Lui et à Shanghai Disneyland, ça m'avait plus choqué, c'est quand on est arrivé, ils s'étaient tous barrés, je sais pas si t'as vu, et on a réussi c'est la dame à droite quand on est rentré qui était recroquevillée sur elle-même, qui dit oh non faut pas qu'il me parle. Et elle nous a donné aussi mais il parle pas anglais. Alors dites-vous que c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument avoir une application avec la traduction instantanée. Moi je l'avais sur la. Je parlais à la Apple Watch et après je mettais lecture et après je mettais enregistré quand c'était l'employé chinois qui voulait me parler. Mais en tout cas, c'est obligatoire quoi. Sans le traducteur, ça va être très difficile de dialoguer puisqu'il ne parle pas anglais, quasi pas du tout. Si vous trouvez un qui parle anglais, c'est vraiment la perle rare. Voilà. Après, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Peut-être qu'on a plus qui parle anglais. Moi j'en ai pas vu plus. Alors après peut-être au Shanghai Disneyland Hotel, comme ça doit être un hôtel qui est plus pris par les touristes, peut-être qu'il y a plus de personnel qui parle français, mais on l'a pas ressenti beaucoup plus. Ou alors ils disaient peut-être un peu plus de mots en anglais. Je sais même pas. Français, j'ai dit quoi? J'ai dit français, non anglais, parce que français non, encore moins. Et autre chose aussi, il faut vous attendre, c'est être pris en photo. C'est un peu bizarre. Parce que vous n'êtes pas chinois, donc quand vous arrivez, c'est un peu bizarre. Nous, on a deux petites filles blondes, elles étaient souvent prises en photo, surtout Clémence. Mais il faut vous attendre à être pris régulièrement en photo, alors soit à votre insu, soit vous le voyez quoi. soit on vous demande. Voilà. Moi, le cas, on m'a demandé 2-3 fois, ou une fois, on me prenait en mon insu. Et il faut vous y attendre à ça. Je crois que c'est culturel. Voilà. Ils prennent des photos de partout. Voilà. Bref, mais voilà, on attendait à quelque chose d'extrêmement difficile en arrivant. Et en se disant, là, on va galérer pour l'arrivée, l'immigration, le Didi, sur place. Et en fait, tout s'est bien passé. Ça a été plutôt simple. Bon, après, c'est parce que tu avais regardé pas mal de vidéos. Oui, j'ai regardé pas mal de vidéos. Enfin, il y a des vidéos qui faisaient peur. Pour justement pas être perdu en arrivant à l'aéroport et savoir où est-ce qu'il fallait aller pour prendre justement l'équivalent des Uber là-bas. Bon, en tout cas, voilà, c'était une arrivée, une entrée dans le pays assez facile. Hein. Oui. On va dire ce qui. Ça s'est bien passé. Alors, en ce qui concerne nos premières impressions, lorsqu'on arrive, donc on arrive le mercredi matin à 7h, le temps de prendre l'hôtel, il était 7h, même pas 8h, parce que le Didi est arrivé rapidement sur place. On est arrivé dans le parc à 9h30, je crois, quelque chose comme ça. C'était assez rapide. Alors, Salomé, c'était quoi tes premières impressions quand t'es rentrée? Émerveillée. Et toi, Julie? Oui, c'est impressionnant la taille du château. Ouais, c'est la taille du château. C'est pas toi? Oui. La taille du château est vraiment énorme. Immense. Et puis c'est un bloc. Les allées sont très, très grandes. Ouais. Et c'est surprenant parce que là, on a vraiment un sentiment de... De grandeur. De grandeur. En fait, le château est énorme. Les allées sont énormes. Pour exemple, Tomorrowland est sur 2 niveaux. En fait, bon, après on voit bien que c'est parce que ben les Chinois ils sont nombreux et donc il faut qu'il y ait de l'espace. Il y a autre chose qui m'a impressionné, c'est que il y a carrément des je sais pas si vous avez vu des grands coins pique-nique avec les chapiteaux derrière Winnie. Vous avez pas vu, il y avait des chapiteaux. En fait, il y a énormément d'espace vert aussi, ça qui m'a. Oui, c'est très boisé. Pour le fleuri, parc boisé, ouais, c'est. On pourrait s'attendre à quelque chose de très bétonné et tout, et en fait pas du tout. Et autre chose, c'est qu'on m'avait dit que le parc il était petit. Ah, moi j'ai pas du tout eu cette impression, vraiment. Moi non plus. Ah non. En fait, tout est grand et massif, donc et vert. Oui. Bah, on n'a pas du tout une impression de c'est petit parce qu'on marche énormément. Pour aller d'un point A à point B, c'est quand même assez long. Parce que des fois, on se dit, ah, est-ce qu'on va vraiment revenir là-bas? Parce que c'est quand même à l'autre bout. Mmh. Là, tu réfléchis. Là. On n'économise ses pas, hein, sur la fin. Après, nous, quand on est effectivement arrivé le premier jour, surtout ce qu'on cherchait, parce qu'on avait quand même un peu faim après le trajet en avion, c'était de pouvoir manger quelque chose que les filles aiment bien pour le petit déjeuner. Parce qu'en Chine, au petit déjeuner, ils mangent salé, ouais, mais c'est que leur spécialité. Et des spécialités des qu'on n'a pas chez nous. Machin, du ramen. Donc on cherchait quelque chose d'un peu plus international. Et on a trouvé. Et on a trouvé dans la. C'est quoi Cookian Factory. Qu'est-ce qu'il y a, Salomé? Tu veux dire quoi? On a trouvé le. Une sorte de boutique. Non, c'est une pâtisserie. C'est une sorte de boutique. Oui, hein, c'est une boutique, mais. Oui, ils vendent aussi des peluches. Et ils vendent à manger. Ils font des crêpes. Oui, ils font. Enfin, non, des creeps. Des creeps. Des creeps. Des creeps. Alors, on traduira pas en chinois parce qu'on n'a pas ce niveau. Mais... Des creeps. Il y avait des cookies. Bah forcément. Cookie Anne. Il y avait des donuts. Il y avait croissants au jambon à la béchamel. Oui, les Chinois font beaucoup de croissants. Il y avait des muffins aussi. Des croissants à la saucisse et au cheddar. Oh, c'est trop bon ça. voilà, première impression en arrivant. Alors, petite chose, c'est que je m'étais déjà renseigné sur le parc. On en parlera au fur et à mesure, mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est que quand on est arrivé, c'est par Tomorrowland à peu près. Et en fait, on est arrivé par le côté gauche, et en fait, il n'y avait pas de Frontierland. Et ça m'avait un peu étonné. Il n'y avait pas d'arcade. Bah oui, non, et au-delà de ça, c'est qu'en fait, on avait l'impression qu'il n'y avait rien d'américain. Oui. C'est. Je sais pas. Il n'y a pas de Main Street. Non. Il n'y a pas de Frontierland. C'est pas du tout pareil que chez nous. Non, c'est pas du tout pareil. On en parlera au fur et à mesure, mais Mais voilà, pour les premières impressions, c'est que déjà d'entrée, parc immense, tout est grand, le château est grand, massif, voilà. Et au début, on savait rien du tout du parc. Enfin, si, on savait ce qu'il y avait comme attraction, tout ça, mais on savait pas. On n'avait pas à s'immerger dedans. Oui. Voilà. Genre, on savait pas ce que les Chinois aimaient dans ce parc. Et on voit bien qu'en fait, que quand vous arrivez, la culture chinoise, c'est les sorties en famille. C'est vraiment. D'ailleurs, on a vu peu de groupes d'amis. Ils étaient déjà deux. C'est... Oui, mais c'est... sinon, c'est que des familles. C'est beaucoup des familles. Et en plus, c'est grands-parents. Et grands-parents, parents, enfants. Et enfants, en fait. Ils arrivent quand c'est familial. C'est-à-dire que quand ils viennent, c'est à 6. 5 ou 6. Et on a vu très peu de groupes d'amis. Et alors, les poussettes doubles. Et les poussettes doubles. Il y a même les parents qui sont dedans. Oui, dents, qui sont les parents qui sont poussés aussi dans la poussette avec le gosse. T'imagines, nous, à 40 ans, se faire pousser par nos parents? ou une nana qui se faisait pousser par son, par son mec. Ouais, aussi. C'était bizarre. Ouais. En tout cas, on voit bien qu'en fait, tout est concentré autour de la famille avec des allées très larges, de la verdure, des jardins. Il y en a beaucoup de jardins. Oui. Voilà, c'est vraiment un parc qu'on voit bien qui est fait pour les familles. C'est indiscutable. Et un parc qui n'est pas du tout. Qui est bien entretenu et qui n'est pas oui, sale. C'est ça. Oui, c'est vrai. Avec les couleurs qui sont vives et tout, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé. Et qui n'a rien par terre. Ah oui, bah, comme à Disneyland Paris, il n'y a rien par terre. Oui. De toute façon, les Chinois, quand ils font tomber un truc, ils ramassent tout de suite. En fait, ils sont tellement. Je sais pas si t'as vu, mais à un moment, il a fait tomber un paquet de popcorn, il y a quelques popcorn qui étaient tombés, ils ont tout ramassé eux-mêmes. Alors, que pas chez nous, pas... Ah oui, pour les toilettes aussi, ça aussi qui avait impressionné les filles, c'est que c'est toilettes à la turque. Oui. Mais non, il y avait les toilettes normales aussi. Toilettes normales, oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui mettent des TikTok comme quoi il n'y a que des toilettes à la turque. Ce n'est pas vrai. Il y a 80% de toilettes à la turque dans les toilettes des femmes. Mais si vous allez au fond des toilettes, il y a des toilettes normales. Alors effectivement, il y a moins de cabines. Il y a peut-être, je ne sais pas, une dizaine de cabines, mais les Chinoises ne vont pas dans les toilettes normales. Elles vont tous à la turque. Elles vont tous dans celles à la turque, donc il y a de la place dans ces toilettes-là. Alors, donc, moi, des fois, vous attendez et en fait, il y a des toilettes de libre. Je ne savais pas, moi, au départ, je suis allée dans les toilettes à la turque alors que c'est vraiment pas mon truc. Et au final... Il faut savoir bien viser. Oui, alors après, il y a aussi la possibilité d'aller dans les toilettes famille, comme il y a à Disneyland Paris, avec les endroits pour changer les enfants. Au final, il y a des toilettes classiques dedans. Mais, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Voilà, Benjamin, lui, il n'avait pas ce problème. J'avais pas de problème, parce que moi, les toilettes à la truc, je trouve ça très hygiénique, ça me dérange pas. Moi, ce qui me gênait plus, c'est que première fois que je rentre, j'ai vu 4 fesses, 4 paires de fesses. En fait, en Chine, quand ils font pipi, en fait, ils descendent leurs pantalons. Ils descendent leurs pantalons jusqu'aux chevilles. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu des fesses partout. Les hommes. les hommes, hein, je dis bien. Pas les filles. Les hommes. Et autre chose, c'est que je pouvais pas emmener Clémence dans les toilettes des hommes. Et de toute façon, il y avait rien pour faire les enfants dedans. Donc, du moins, j'ai rien vu. Mais en fait, c'est là où moi j'ouvrais ma bringuette, où je baissais mon pantalon. Normal, on va dire, pour faire pipi. Eux, c'était jusqu'aux chevilles, donc vous voyez les fesses. Mais après, en fait, au fur et à mesure du séjour, j'ai découvert que c'était générationnel. Les jeunes faisaient pipi, normalement, on va dire. Et les plus anciens, ils descendaient leurs pantalons jusqu'aux chevilles. Donc ça faisait un peu bizarre. Mais bon, c'est culturel. Et moi, j'ai vu aussi dans les toilettes des filles que les Chinois ne fermaient pas la porte quand ils faisaient pipi. Ah ouais? Oui. Ah, t'avais pas remarqué ça, toi? Non. C'est peut-être parce que c'était une petite fille, peut-être. Non, il y avait des adultes aussi. Ah. Et les petites filles, elles étaient devant. D'accord. En fait, il y avait un adulte dans la toilette et il y avait les enfants devant. D'accord, ok. Bon, bah écoute, j'ai découvert quelque chose. Tu n'en as jamais parlé de ça. Voilà. Voilà. Mais sinon, pareil. Si, mais vous m'avez pas. Bon, voilà, c'était le point toilette quand même. Mais ça, moi, ça m'a fait. Du coup, on y allait souvent. Voilà, vu qu'on marchait beaucoup. Et que. Aussi, autre chose, c'est ne buvez pas l'eau. Oui. Enfin, évitez. Oui. Elle est potable, mais. Clémence a eu un accident. Elle est potable, mais on vous conseille de venir avec une gourde à vous filtrée. Comme nous, on a des gourdes de la marque Oco qui filtrent. Mais sinon, acheter de l'eau en bouteille ou du coca en bouteille. Parce qu'elle n'est pas potable. Du Pepsi. Si, elle est Pepsi, ouais, parce que c'est Pepsi chez nous. Enfin, si, elle est potable, mais... Mais si vous voulez avoir une Tourista carabinée, voilà. On nous avait prévenu, effectivement, Clément, je l'ai vu boire... J'avais dit, oh là, elle a bu un verre. J'ai dit, oh là, ça va pas passer. Bah, tiens, ça a pas manqué, elle a vomi après. Dans tes mains. Oui, dans mes mains. Mais voilà, c'était. Voilà. C'était donc si jamais vous buvez sur place, essayez d'acheter des bouteilles. Bon, c'est pas très cher, les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, non. Puis après, il faut savoir que dans les hôtels, tous les jours, ils donnent des bouteilles d'eau. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense qu'ils savent que l'eau n'est pas forcément bonne, entre guillemets. Ouais, en fait, ils mettent des bouteilles dans la salle de bain, des bouteilles d'eau dans la salle de bain et des bouteilles d'eau dans la chambre. Ouais. Et ils en remettent tous les jours. Mais nous, on avait nos gourdes filtrées. Gratuitement, ouais. Oui. Et puis nous, on avait nos gourdes Oco qui filtrent. Donc du coup, on n'a pas eu de problème. Juste, le seul problème qu'on a eu, c'est que Clément, ça a bu un verre et elle a vomi quelques temps après. Donc c'était un peu... Ça va, c'était pas dans la chambre. C'était pas dans la chambre, ça va. Voilà. Voilà ce qui nous a... nos premières impressions dans le parc, de manière générale. Voilà. Ce que je vous propose, les filles, c'est qu'on fasse lande par lande. Oui. Voir ce qu'on a aimé et pas aimé. Puis on va parler aussi... on va faire un tour d'horizon. Alors, quand on arrive, chez nous, on a Main Street. Oui. Chez eux, c'est Mickey Avenue, qui est un Shanghai des années 20, on va dire, un vieux Shanghai. Enfin, c'est cette impression-là, où en fait, c'est une sorte d'hommage à tous les vieux Disney, Mickey. Vous n'avez pas de City Hall, j'en ai pas vu. C'est un Town Hall. Il n'y a pas d'Emporium ? Non. Non, je crois que c'est la boutique de jouets de Dingo, ça s'appelle, je crois. Non, mais il y a quand même une grande boutique qui fait qui est très étendue. En fait, c'est qu'on trois pourrait, boutiques. Qu'on pourrait, avec les pièces qui sont tout au fond du magasin. À droite, il y a une boutique de confiserie comme à Disney. Oui. Chez nous. Après, ce qui est un peu comme chez nous, c'est qu'il y a des points photos avec des personnages dans Main Street. Mais alors, peut-être pas dans Main Street, mais chez eux, il y a des points rencontres personnages dans Main Street. Mm. Enfin, non, dans Mickey Avenue. En fait, il n'y a rien d'américain. C'est vraiment totalement différent. N'attendez pas de voir de City Hall, de drapeau américain, de nom américain. Il n'y a rien de ça. C'est vraiment un hommage à tous les vieux Disney. Il y avait les Silly Symphonies, d'ailleurs. J'ai vu. Il y avait Mickey et le remorqueur. Voilà. Et il y a plein de détails partout. C'est vraiment... vous pouvez vous asseoir et regarder chaque détail. On n'a pas eu le temps de le faire, ça, mais... voilà, après, nous, on a eu la chance de venir là parce que c'était... le 10e anniversaire du parc, donc il y avait des décorations spéciales pour le 10e anniversaire, des costumes spéciaux pour les personnages de filles et ses amis, de filles and friends, puisque là-bas il y a de filles and friends qui n'existent pas chez nous, et les personnages classiques Mickey, Minnie, Daisy, Dingo, Pluto. Sauf qu'il y a beaucoup de monde pour voir. Et oui, des filles and friends, c'est très populaire. Et pour les faire une photo avec eux, c'est quasi impossible parce qu'il y a plus de 300 minutes d'attente. Enfin, c'est de la folie. Toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de traces d'Américains. Non. Il n'y a pas de Frontierland. Non. Nous, vu qu'on parlait anglais, ça faisait peur aux Chinois parce qu'eux ne savent pas parler. Oui, on l'a dit tout à l'heure, ça, ils partaient en courant. Oui. Non, pas en courant, ils appellent quelqu'un. Ils appellent quelqu'un qui... On n'a pas de... Ouais, donc Mickey Avenue, donc ça n'a rien à voir avec Main Street. Et c'est ça qui fait son charme, je trouve. Oui. C'est vraiment authentiquement Disney, quoi. C'est que Disney pur. Il n'y a pas que Disney pur. Il n'y a pas de Frontierland du tout. Ça a et aucun on rapport. A un... Avec... C'est bizarre, parce que moi, je croyais que... Parce que on est sur un plan, là. Je croyais que le Fantasyland, il était avant et après le château. En fait, vous avez autre chose, c'est qu'il y a le hub là-bas, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de hub. C'est pas du tout un hub, c'est une grande place énorme, très large. Avec un point d'eau. Au début, c'est un petit peu petit, c'est pas plus grand que nous que ça fait tout ça. Ça fait tout ça, c'est-à-dire ? Enfin, ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout, jusqu'au château. C'est un sort de gros carré. Oui, c'est une grande place. Ouais. Oui. Et il y a pas. Et après, y a un podium, mais ils vont pas dessus. Mais t'as quand même, y a quand même deux attractions sur, devant le château. Alors devant le château, ils appellent ça le Gardens of Imagination. Et dans le Gardens of Imagination, Dumbo. Il y a Dumbo et il y a le carrousel, voilà. Qui n'est pas du tout le même que le et nom. Le reste, c'est de magnifiques jardins. Bah, il est juste à côté, enfin, il est un peu plus loin du château, mais chez nous, il y a un parc pour ça. Enfin, en tout cas, c'est on a l'impression qu'en fait, il est allé sur deux endroits, mais en fait, pas du tout Fantasyland. Oui, il y a quand même deux attractions qui sont pas dans un land, en fait. Ouais. Oui. Bah si, le land s'appelle Garden. Ouais, ou alors c'est un land, Garden. Chez nous, c'est Fantasyland. Mais c'est du coup, j'avais l'impression qu'on avait deux Fantasyland. Ça comprend le château. Et effectivement le reste. Mais c'est surprenant. Alors à la place de Frontierland, vous avez Tomorrowland. Et oui. Alors magnifique. Je trouve carrément, il est moins grand que celui d'Orlando. Mais il est nettement plus beau. Moi, oui. Je l'ai préféré. Ouais, c'est vrai. Il est sur deux niveaux. C'était très agréable. Et il y a Tron, bon, du coup, l'attraction Tron. Il y a Buzz. À Orlando qui Il y a Buzz. Buzz. Qui est bien mieux que chez nous. Buzz est beaucoup mieux que chez nous parce qu'on peut mieux viser et tu peux dépasser les 1 million. Oui, et puis surtout que c'est pas du tout la même histoire. Ah oui. Non. Donc, et non. Ça dure plus longtemps. Parce qu'en fait, nous, on est dans, je pense, de ce que j'ai compris, nous, on est dans le, je crois qu'on est dans le jeu vidéo Buzz l'éclair. Oui. Je crois que c'est ça, ou le film. Oui, puis après, la file d'attente de leur Buzz est pas du tout pareille que la nôtre. Hein. Mais en fait, elle sert c'est un très peu à vide. Rien. C'est très vide. On en parlera que... après des files d'attente, mais. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de file d'attente dans aucune attraction. Non, en fait, non. Sauf Zootopie. Ah, Zootopie, ouais. Voilà. Tomorrowland, sur deux niveaux. À la place de. Vous n'avez pas Orbitron, vous avez les jetpacks. Ouais. Ah oui, alors, c'est vraiment sympa. Vous l'avez fait comment ? Très sympa. Oh, c'est cool. T'as vraiment l'impression de voler. Toujours dans l'idée que c'est la Chine, en fait, il faut vous dire un truc, c'est que les attractions sont assez massives aussi. Ouais. Et il faut faire du flux. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit fluide. Donc en fait, n'attendez pas comme chez nous d'avoir des files d'attente vraiment belles. Non. À part Zootopie. Mais on n'avait pas de files d'attente vraiment belles, c'était un peu comme des parcs à bœufs. Hein. Mais bon, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais on voit bien qu'il faut que ce soit fluide, ça va extrêmement vite. Par exemple, les jetpacks, j'ai gardé, c'est 30 secondes. Oui. L'attraction, là où chez nous, Orbitron va durer une minute. Oui. Parce que c'est plus long. Ouais. Mais on voit bien que c'est parce qu'il faut que ça, oui. Ils ont que ça soit fluide. Ils ont... en et fait, pareil pour Buzz, ça va plus vite quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais je trouvais que ça allait beaucoup plus vite. Que chez après, moi. Je pense que là-bas, moi, ils sont pas fans de Buzz parce qu'il y avait jamais d'attente à Buzz. Non, il y avait que 5 minutes. Ce qui était bien, moi, ce que j'ai beaucoup aimé à Tomorrowland, c'est qu'il y avait très peu de Stitch. Ça, c'était bien. Bah si, à Tomorrowland, il y avait Stitch. Non. Si. Non, si, il y avait une rencontre avec Stitch, ouais. Et il y avait même une sorte de comment dire de figurine un faux vaisseau avec Stitch dedans. Si, il y avait quand même des choses. Si, les signatures ne sont pas pareilles que chez nous, les signatures. Et il y a le Pixar. Ah oui, et on a fait le Pixar, l'événement Pixar où on allait. Après, ça, c'est non, c'est une exposition Pixar. Exposition Pixar. En fait, vous traversez des pièces et chaque pièce était consacrée à chose Pixar. que tu pouvais faire à Paris, je crois. Ouais, peut-être. Mais alors, eux, c'est. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle est tout le temps là. Oui, je crois que c'est comme une expérience, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, dès qu'ils ont l'occasion, ils peuvent changer l'expérience. Ah, peut-être. Enfin, du coup, y a pas... ils peuvent réchanger. Ouais, mais je pense qu'ils mettent plus des choses qui plaisent aux Chinois. Des dessins animés que les Chinois aiment, genre Pixar, parce que les vieux dessins animés Disney, je pense que sont pas du tout représentés dans le parc. En tout cas, Tomorrowland, vous en pensez quoi ? Moi, c'était mon land préféré. Surtout la nuit, il était... Ouais, la nuit, c'est vrai que c'était beau. C'était dingue. Avec les lumières de Tron, c'est vrai que c'est magnifique. Et puis les fontaines qui étaient aussi illuminées. Mm. C'était très néon, très rétro. Moi, c'était Adventure Ice. Ah, okay. Ouais, toi, t'as préféré Adventure Ice. Alors, si on monte un peu plus, les filles, on a Toy Story Land. Oui. C'est un peu l'équivalent du Ouais. Hein. Alors après, Toy Story Land, on l'a pas beaucoup fait. Parce qu'il y avait beaucoup trop de... Il y a eu RC Racer. Il y a RC Racer qui est le même alors, que chez que nous. La... Non, oui, sauf que c'est pas la même histoire. Parce que le RC Racer de c'est chez Rex, eux, c'est Rex qui Rex. Conduit la voiture. Tu le vois d'ailleurs, Rex, c'est avec la petite télécommande de la voiture. Ouais. Pareil, j'ai regardé, ça, c'est 30 secondes. C'est même pas 30 secondes, c'est qu'il y a un aller-retour de moins que chez nous. Nous, chez nous, il y a 4. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que ça soit très fluide. Il y a aussi... C'est assez massif. Les Chinois, quand ils arrivent, c'est le zigzag, massif. C'est le même que chez nous. Le zigzag, c'est le même oui, que chez nous. Oui, mais il y a beaucoup de monde. Et il le truc de Cars 4 roues, chez eux, c'est autre chose. C'est pile-poil qui tire un chariot. Pile-poil qui tire une chariot. C'est Hands Up, je sais pas quoi. Mais ça, pareil, ça, on n'a pas fait. Parce que ça ressemblait trop à Cars 4 roues. Ouais, mais même pas, c'est qu'il y avait toujours un peu d'attente. Il y avait toujours au moins 40 ou 50 minutes. Non, plus que 20 minutes. C'est monté jusqu'à même une heure. Ces attractions-là, parce que je pense qu'ils aiment bien quand même Toy Story, mais... La seule chose que j'ai bien aimé là-bas, c'est qu'on avait la réplique de la boutique HAL. Ah Toy Story oui 2. Oui, ouais, ça c'est pas mal. C'était plutôt pas mal. Voilà, après Toy Story, on n'a pas grand-chose à dire, puisqu'en fait, on n'a pas... C'est un petit land. Ça ressemble à la nôtre, quoi. Donc, oui. Au niveau de la déco, ça ressemblait un peu... Ah, c'était aussi un peu proche de celui d'Orlando, même si Orlando, c'est pas les mêmes attractions. Mais proche que chez nous que Orlando. Oui, peut-être. Ouais, oui, parce sûr. Qu'avec le gros Woody, tout ça, c'est vrai que ça, ça ressemble à chez nous. Mais après, c'est vrai que niveau attraction, on n'a pas été forcément intéressé plus que ça, parce que c'est des choses qu'on a chez nous. Si on remonte, on a Fantasyland, du coup. Fantasyland, où dedans, il y avait une attraction que les filles ont beaucoup aimée, qui était le voyage de Grotto, non, c'est ça ? La oui. grotte, c'est ça ? Ouais, ça, c'était sympa. Et on a fait aussi Winnie, qui est pareil qu'Orlando. Il y avait Winnie, qui était pareil qu'Orlando, sans la file d'attente, du coup, parce que quand je vous expliquais, en fait, les files d'attente, elles sont pas travaillées. On voit bien, en fait, c'est là le truc, c'est que il a été construit en 5 ans, ce parc. Et à mon avis, ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu le temps de faire... Ils ont, je pense, privilégié... La création d'attractions assez massives. Plus que travailler les files d'attente. Parce que, oui, Winnie, c'est la même attraction qu'Orlando. Mais Orlando, la file d'attente est quand même plus et travaillée. Et aussi les petits pots de Winnie. En fait, c'est... Oui, qui sont un peu... Ouais, les tasses, c'est des pots de miel Winnie. Et il y avait l'attraction Blanche-Neige et Sept Nains, Seven le Dwarfs. Coaster, mais c'est le même qu'Orlando. C'est exactement le même qu'Orlando. Voilà. Et bah d'ailleurs, ça faisait, pour une fois qu'on l'a fait, Orlando, on l'a fait qu'une fois, on a pu le faire là-bas, deux fois. Là-bas, on a pu le faire en fin de journée, parce que là-bas, en fin de journée, il y a moins de monde dans le parc. Beaucoup et moins. Donc, on a pu parce le faire. Parce qu'ils sont tous à... Si je devais retenir une attraction ici, c'est le voyage de Grotto. Enfin, ouais. Ouais, ouais, oh. Ça, c'était sympa. On l'a fait plein de fois. On l'a fait plusieurs fois. Et surtout qu'on passe sous le château. Oui. On passe dessous. Avec un et c'était gros vraiment cristal. Avec un gros cristal. J'ai l'impression qu'il y a une histoire. Je suis pas très. J'ai l'impression qu'en fait l'histoire, c'est que le cristal doit soit créer des dessins animés ou créer les musiques. C'est bizarre. C'est peut-être toute l'histoire du parc. Non, j'ai l'impression qu'en fait la magie Disney viendrait de ce cristal. C'est un peu bizarre. Il faudrait se renseigner là-dessus. Mais j'ai cru comprendre que c'était ça. En fait, c'est un mélange entre chez nous, entre le conte de fées et le Jungle Cruise. C'est un mélange. Par contre, les bateaux, ça vous emmène une trentaine de personnes. Encore une fois, on est dans l'idée de fluidifier la file d'attente. En fait, beaucoup de monde par bateau. Au début que tu le fais, bah, en fait, ça va pas très bien. De manière générale, on n'en a pas parlé, mais on peut le dire, c'est que le chinois est très ordonné. Enfin, la population chinoise est très ordonnée. C'est qu'en fait, ils vont vite dans les attractions. Ils s'assoient, ils sortent très vite. Et surtout, il faut vous dire un truc, c'est que dans les files d'attente, si vous avez le malheur entre guillemets de laisser passer un peu de place entre vous et la personne de devant, ils prennent tout de suite votre place, vous faites doubler. Attention, c'est culturel. Chez nous, tu te fais doubler, on gueule. C'est vrai. Chez eux c'est normal. C'est normal. C'est normal. Dites-vous qu'en fait vous arrivez dans un pays où il y a beaucoup de monde et qu'en fait si tu laisses un espace, eux ils vont le combler tout de suite. Donc faut pas être vexé parce qu'ils vous doublent. C'est normal, c'est pour aller vite. C'est pour en fait, c'est dans le souci de que tout le monde aille vite. Voilà. Oui. Faut pas vous sentir vexé. C'est pas comme les Espagnols chez nous quoi. par exemple, je pense que si tu on va dire une famille chinoise te double et que t'es pas content que tu lui dis, il est pas capable de comprendre pourquoi tu le disputes parce qu'il t'est passé devant. Il va pas comprendre parce qu'en fait c'est dans leur c'est culturel, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas il te dépasse pas pour se dire je vais passer avant toi, t'avais qu'à être vigilant. Il passe parce qu'il faut il faut combler un vide qu'il y a là pour que tout le monde derrière puisse avancer. Voilà. Donc faut pas vous étonner. Et d'ailleurs c'est pas plus mal. Oui. Voilà. Ça permet d'éviter des files d'attente trop longues. Voilà. C'était qu'on parle de Tomorrowland ou de Toy Story Land ou de Fantasyland de manière générale, il y a des beaux jardins et c'est verduré. Hein. Enfin, il y a de la verdure partout. Et quand tu montes encore, il y a Zootopie. Oui, il y a Zootopie, le nouveau land. Et derrière Zootopie, il y avait le début de l'attraction Spider-Man, mais ça, c'est autre chose. Oui. Et on voyait la construction de l'attraction Spider-Man. Le grand 8. Ouais. Mm. Ouais. Mais bon, d'ailleurs, je trouvais ça bizarre qu'il soit derrière Zootopie. Bon. Zootopie, alors. Ben, il n'y a pas de logique là-bas. Alors, Zootopie. Bah, Zootopie. Comme les Chinois adorent Zootopie, parce que quand on allait dans les autres parcs, les gens avaient plein de chapeaux, d'oreilles Zootopie. Et du coup, quand on venait dans le parc, ils faisaient plein de photos à côté des feux rouges d'animaux. Et après, il y avait... Est-ce qu'il t'a plu ce land ? Oui. Et quand il y avait aussi la boutique. Ah, c'est la boutique, oui. Qui était blindée. Oui. En fait, il faut savoir, c'est que là-bas, ils aiment les animaux. On a d'ailleurs, quand on est arrivé, aux heures de magie en plus, que ce soit aux heures de magie en plus ou même pas aux heures de magie en plus, en fait, beaucoup de Chinois couraient comme des fous vers Zootopie. Oui. Parce que c'est comme nous avec World of Frozen, il y a une queue qui peut être de 40 minutes à 70 minutes hein, avant de rentrer dans Zootopie. C'est l'attraction qui est le plus vite saturée dans le parc parce qu'ils veulent tous la faire. Voilà. Et même au-delà de ça, à Zootopie, il y a plein de points photos sympas. Oui. Mais c'est. Alors, quand on se plaint que World of Frozen, c'est une impasse, pour certains, là, on va dire que c'est pas non plus un land super grand. Non, c'est pas très grand, mais moi, je m'attendais à plus petit. Ah oui ? Ah bah, je m'attendais à plus grand. Et en fait, on a vraiment cet effet de foule, de masse. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de monde dans Zootopie. C'est vrai qu'on a plus de mal à circuler que dans les autres endroits du parc parce que c'est effectivement moins étendu. Après, forcément, ça fait son effet, Zootopie, parce que c'est vraiment beau. Il y a plein de détails. C'est vraiment... En fait, ils ont créé la ville de Zootopie. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je sais pas si vous avez vu, il y avait... Bon, on ne pouvait pas accéder parce que c'était marqué accès impossible, mais il y avait accès vers le désert, vers la toundra, etc. Mais en fait, on était dans la ville de Zootopie. Et d'ailleurs, c'était. Je pense qu'il y a une ligne directrice, c'est le concert de Gazelle. De Gazelle, ouais. C'est parce l'histoire, la storyline de l'attraction. Où on va au concert de Gazelle et on a l'impression que le land est concentré autour du concert de Gazelle. Oui, il y a plein d'affiches concert. Alors, de Gazelle. Jours, deux jours, il est beau, mais de nuit vraiment beau aussi. Zootopie de nuit. Et en fait, tu le vois de Fantasyland. Ouais. Mais et par contre, il est un peu à l'écart par rapport aux autres choses. Oui, c'est un peu. Faut marcher quand même assez longtemps pour aller jusqu'à Zootopie. Là où Tomorrowland, Toy Story, Fantasyland se suivent, celui-là il est un peu à l'écart. Ouais. Et c'est pas plus mal. Oui. Parce qu'en fait, On se demande des fois où sont tous les gens, mais en fait ils sont tous à Zootopie. Ils sont tous à Zootopie, ouais. En fait, ils aiment bien les animaux, les Chinois, donc. Donc c'est vrai que les Chinois vont beaucoup dans le Land Zootopie. En fait, c'est leur Disney Bound. Ils font beaucoup les Disney Bound. Exact. Ou Closer. Ou alors Duffy and Friends avec les oreilles de Duffy and Friends. Dans tous les cas, il y a très peu de Mickey. Donc ils vont à Zootopie faire l'attraction et le mythe. Le mythe avec Judy et Nick ou juste Nick ou juste Judy. En tout cas, ils sont en policier. Je sais pas si ils sont en tenue de policier. Alors que chez nous, ils sont pas en tenue de policier. Non, mais bon, faut quand même avoir envie de faire le mythe avec eux parce que c'est très long. Ouais. Là, et en fait, je pense que c'était la galère pour rentrer. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que les Chinois, culturellement, ils prennent tout en photo. Mm. Ça, moi, ça m'a gêné au début. Je ne comprenais pas. En fait, les Chinois, c'est comme on voit à Tour Eiffel ou à Étretat. Hein. Ils prennent tout en photo et ils se prennent en photo. Et vous aviez des feux rouges avec, je sais plus... Comme j'ai dit. Comme tu disais tout à l'heure, avec à hauteur d'homme, on va dire, un rhinocéros. Ah non, girafe, c'est pas hauteur d'homme. C'est en haut. Vous aviez un feu rouge en haut, sur le même poteau pour les girafes, au milieu un rhinocéros et en bas pour les souris. Oui. Et en fait, ils se prenaient en photo à côté et ça pouvait faire des queues monstrueuses. Où il y avait un panneau stop, ici, avec écrit ne pas écrire de SMS et c'était une patte. Oui, c'était pareil. Comme ça. Et puis, du coup, ils faisaient une queue énorme. Où il y avait un ours, pareil, c'était une queue monstrueuse. Enfin, voilà. Mais c'est culturel, mais on en expliquera tout à l'heure, mais c'est pas, ils prennent pas des photos pour le mettre sur Instagram parce qu'ils l'ont pas, ou sur Facebook parce qu'ils ont pas, c'est pas des photos pour se la péter ou dire regardez, je suis à tel endroit, etc. En fait, ils publient pas ces photos-là, ils les gardent pour eux. On parlera c'est pour les souvenirs. Oui, c'est ça en fait. Et faut vous attendre des fois à des queues monstrueuses, vous comprenez pas pourquoi et vous arrivez au bout. Et en fait, c'est une queue pour prendre une photo. Mmh. C'est pas pour l'attraction. C'est un peu bizarre. Bah, l'attraction, des fois, la queue, il peut avoir tout au bout. Jusqu'au début. Ouais, jusqu'au bout de l'allée. Parce que t'as deux entrées. Oui, mais ce qu'on disait avec maman tout à l'heure, c'est que des fois, il faut marcher. Oui. Il y a qu'une attraction, Zootopie Haute Poursuite. Et je crois que c'est la seule où il y a vraiment une belle file d'attente. Mmh. Ouais. L'histoire, c'est que. C'est en fait, celle qui a été bien travaillée. Ouais, la file d'attente était vraiment bien travaillée. Contrairement aux autres où il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de travail. Mais c'est parce que c'est plus récent. Et qu'ils ont fait que cette attraction-là, ce land-là, à un moment donné et que c'est pas comme tous les autres endroits du parc où ça a été fait. Alors, quasi en simultané. Tu nous racontes, Salomé, comment c'est la file d'attente? On rentre par où? Bah, on rentre par le commis, ça. Oui, le commissariat. En fait, t'arrives, tu fais quelques petits virages. T'arrives tout au bout, tu reviens et après t'es dans une sorte de truc de une prison? Non, après c'est un sorte de, tu sais, le un Hall of Fame avec tous les policiers qui sont encadrés. Oui. C'est ça. Avec Gazelle aussi qui, en fait, c'est il y a affiche de Gazelle. Oui, Gazelle en concert. Oui, c'est ça. Et après on va dans la prison. Oui. Après tu rentres dans le commissariat et tu vois Klaus Wasser qui parle évidemment chinois et qui met les musiques parce qu'il est fan de Gazelle. Oui, il met la musique de Gazelle. Après tu sors de l'entrée du commissariat et tu t'enfonces dans là où il y a la prison. T'arrives là où il y a tous les bureaux. Et après, là où il y a tous les bureaux, t'arrives dans la prison. Et t'as plein de prisons, genre les prisons. Les cellules. Ouais, les cellules. Là, il y a. Il y a l'eau scolaire. Oui, il y a une grosse climatisation. Les toutes petites prisons pour les petites souris. Petites souris. Qui étaient en haut. Les prisons pour les rhinos. Oui. Et à un moment donné... Il y avait aussi une prison, il y avait une piscine dedans. Et après, on voit à un moment donné qu'il y a un truc qui ne va pas dans une cellule. En fait, la cellule est toute cassée. Elle est toute cassée. Et on voit le poster de Gazelle et où c'est écrit dessus qu'il veut gâcher la fête, qu'il veut capturer Gazelle, tout ça. Mmh. Et en fait, quand tu arrives devant cette cellule et que après tu vas un petit peu plus loin... t'as un trou qui traverse tout le mur de la cellule et après t'as un conduit et il y a un trou aussi dedans, donc après tu te dis qu'ils sont partis dans le conduit et après t'entends des bruits de pas, genre ça court, tout ça. Et après on voit le chef Bogo, oui, qui, en fait, t'as les cast members qui font avancer pour voir le chef Bogo. Et quand t'arrives là où il y a le chef Bogo, ils disent qui s'est échappé. Donc là... C'est Mayweather, l'ancienne mère, dans le 1. Avec ses en fait, deux... on est entre le 1 et le 2. C'est pas... C'est... Ouais. On est entre le 1 et le 2. Et c'est Clawers... Mayweather. Ouais, avec ces deux moutons là. Ouais, ces deux boucs. Ouais. Qu'ont capturé Gazelle. Oui. Et donc le chef Bogo t'envoie avec Nick et Judy dans des voitures pour aller récupérer Gazelle. Sauver Gazelle. Et capturer Mayweather. Et on est dans des voitures de police. C'est un mélange de Ratatouille, je dirais. Oui. Bon, carrément mieux. Oui. Mickey, Minnie, et c'est pareil, on est extrêmement nombreux par véhicule. Ouais. Ratatouille, on est 6 max. Là, je crois qu'on est 10. Bah, t'as 4. Non, on est 9. Non, parce t'es 10. T'as 4, non, 5 devant, est... 5 derrière. Non, c'est 4. 5 devant. C'est 4 devant. 5 et 5 derrière, donc on est 9. Mais il y a énormément de véhicules qui partent en même temps. Oui. Je sais pas si vous avez vu, mais. Il y a 3 véhicules maximum. Ah non, il y en a 2. Hein, tu rigoles ou quoi? C'était oui, des allées entières de véhicules. Hein. Il y avait au moins 9 véhicules qui partaient. 9? Bah, 3, pour moi, il y en avait, Julie. Oui, je pense qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Tu te rends compte que ça veut dire que si tu fais 9, il y en a 9, ça fait pas loin de 90 personnes. Je pas loin. Il y en a 90 personnes avait... par. Moi, j'en suis par départ. Il n'y en avait que 2. Hein. Non. Il y a plus que ça, ça m'a. Et donc voilà, donc on fait donc l'attraction et qui est... Alors l'attraction était comment? Génial. Bah oui. Évidemment, c'est Zootopie. Ouais. T'as bien aimé toi, Julie? Moi j'ai bien aimé. Ça fait partie de vos préférés? Oui. Oh, sûrement oui. Ouais. Parce que... C'est l'attraction, je me dis, quand on va rentrer en France, ça va me manquer. Moi. Mais oui. Même le Land. Oui. Je sais pas, le Land là, il dégage quelque chose. Il dégage une aura où on se dit on voudrait bien le même chez nous. Chez nous, ça fait fureur, ce land-là. Ah oui. C'est sûr. Bah, bref, en tout cas, ils ont de la chance d'avoir ce land-là. Ah oui. Parce que franchement... nous, on aurait bien aimé. Hein. Mais je l'ai préféré de nuit quand même, pas vous ? Bah, en fait, ça change pas grand-chose parce que t'es à l'intérieur. Ouais. Mais le land, oui, de nuit. Non, oui. Pas l'attraction, je veux dire le land. Oui, le land, oui, le land de nuit, oui. On va descendre un peu plus et on va arriver devant un land que nous n'avons pas chez nous et aucun parc américain qui s'appelle Treasure Cove, qui est un land dédié aux pirates. Yeah. Donc on peut dire qu'il remplace Frontierland, on va dire. Oui. Voilà. Alors, et là, t'as du coup t'as Pirates l'attraction des Pirates des Caraïbes, et qui est tout bonnement génial. Oui. En fait, rien à voir avec l'autre. En fait, c'est même pas comparable. Non. Ben, en fait, c'est même pas la même histoire. Non, en fait, c'est carrément lié à la franchise Pirates des Caraïbes. Oui. Alors que, et en fait, il y a que un animatronique, ce que j'ai vu, c'est Jack Sparrow. Réellement, il y a quelques animatronics. Ce qui m'a fait rigoler, c'est la référence au nôtre où, tu sais, on a le, nous, on a la scène où il y a le chien qui a les clés dans la bouche. Oui, et là, les trois prisonniers qui demandent la clé au chien en balançant. Là, du coup, c'est des... Là, c'est tous des squelettes. C'est des squelettes. Le chien est en squelette avec les clés dans la bouche. Et les trois prisonniers sont en squelette avec un os dans la main. Oui, il y a quelques... Et il n'y a pas de descente. Quelques scènes... Non, il n'y a pas de descente. À part une petite descente. Non, il n'y a pas de descente. Tiens, c'est une marche arrière vive, vive, on va dire. Moi, c'est celle que j'aime. En fait, c'est, vrai, c'est du mapping. Beaucoup de mapping. Beaucoup de mapping, et j'avouerai que ça fait son effet. Beaucoup d'écrans. Beaucoup d'écrans, ouais. Ça et fait... en fait, ça te fait une vision... en fait, mais t'as vraiment l'impression d'aller au fond de l'eau, je trouve. Et quand tu regardes le plafond, moi, c'est ça qui m'a surpris. Au début, on est sous l'eau. Parce que Jack nous dit qu'il faut aller sous l'eau pour aller chercher le trésor ou un truc comme ça. On arrive sous l'eau. Je sais pas si vous avez vu sur le plafond. Si, on voyait la surface. C'est pas comme nous, on voit la clim, etc. Il y avait un effet d'eau comme si on était. Moi, j'ai cru qu'en haut, il y aurait des caméras, projecteurs, des trucs comme ça, mais pas bon, du après, tout. Tu vois un peu le décor quand même quand tu lèves la tête. Oui. Mais bon, après, faut être honnête, tu peux pas dire on voit rien. Non, ça. Mais tu voyais bien que c'était sympa, c'était pas noir. Quoi. T'avais... Et la scène de la bataille navale, ça c'était génial. Ah oui. Vous avez. Bah, je trouve que pour ça, c'est un peu plus. Ces scènes-là où on se retrouve un peu dans. On est dans le bateau, on rentre dans le bateau, là. L'épave de bateau, là, ça, c'est vachement bien mais fait, je trouve. Comment il s'appelle, celui avec la tête de poulpe ? Ah, je sais plus. C'est un capitaine. Bah, c'est pas David Jones ? Si, c'est David Jones. Avec. Je pensais, parce qu'on a été à Disneyland Paris cette semaine après. C'est lui, cet animatronics-là, il est impressionnant. Il est impressionnant, ouais. Il est super grand. Il est super grand. Et puis, il fait peur. Ah, oui. Il fait un peu penser à celui d'Avatar dans Navi's Journey. Où on a le gros animatronics, là, la chamane, là, qui est magnifique et qui est très aussi. Grande. Il y a les sirènes aussi. Dans ouais, mais les sirènes, c'est en vidéo. C'est mapping. C'est mapping aussi. Et je pensais, moi, qu'en arrivant en France, qu'on a refait après Pirates des Caraïbes, je me dis, oh tiens, ça va faire bizarre après avoir eu plein les yeux avec le Pirates des Caraïbes de Shanghai. Et en fait, ça m'a rien fait parce que je me dis, c'est deux différences. C'est pas comparable. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on peut pas dire c'est les mêmes. On peut pas dire c'est les mêmes puisqu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc. Ouais. Bah, en fait, c'est. C'est pas du tout pareil que le nôtre parce qu'il y a des écrans, il y a plein de. Mais. Et enfin, après voilà. Et le land est magnifique. Oui. Enfin, c'est dédié à la piraterie. Alors il y a des espaces de jeux pour les enfants. Ah oui, jouer. Les espaces avec de l'eau, tout ça, ça c'est trop. On peut tirer de l'eau avec les canons. Ah oui. Je vous invite à voir mes stories d'ailleurs. Je fais des stories dessus. 400 stories. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Et voilà, mais en tout cas, c'est un très beau land. De nuit, on n'a pas pu voir ce que c'était puisqu'on n'a pas été dedans de nuit. Non. Mais je doute pas que ça devait être beau. Voilà. Et on après. Et enfin, on descend. Et le dernier, c'était Adventure Isle. Alors, je le trouve moins beau que l'autre. Oui. Le nôtre, enfin, je sais pas. Alors, il y a toujours autant de verdure, mais c'était des grandes allées. Oui. Là où nous, il est un peu plus sophistiqué. T'as un pont pour y accéder, des ponts pour y accéder, c'est tortueux, etc. Alors t'as pas les, là, c'est t'as pas les mêmes allée. Attractions que nous. Non, alors il y a Soarin. Soarin, qui est le même que, quasi, qui est le même que... à Orlando, sauf qu'on atterrit à Shanghai. Oui. Alors, sauf que à la fin. À Orlando, on réatterrit à Epcot. Oui, ce qui est logique. Là, on atterrit dans Shanghai. C'est ça qui m'a étonné. Je me suis dit, tiens, à Orlando, on atterrit dans Epcot. On décolle de Epcot et on arrive à Epcot. Moi, ce que j'ai pas compris. Et là, on arrive dans Shanghai. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que pourquoi ils font les feux d'artifice, Mickey, tout ça, dans Shanghai. Bon, c'est j'ai pas trop compris. Il y a Rapid Roaring Rapid, qui est l'équivalent comme à. Bah, c'est dans les bouées. Hein, oui. Vous faites des rapides, c'est l'équivalent Orlando. Bah, c'est la même chose, c'est la même attraction. Et vous avez l'acrobranche. Alors voilà, du coup, il y a l'acrobranche, et ça, c'est génial. Ah ouais. C'est pareil, il y a de l'acrobranche, lui, il n'a pas fait. Non, moi, je suis pas fan de l'acrobranche. Trouillette. Maman, la trouillette. En fait, on l'a fait, nous. Et il y a un... Ça s'appelle Camp Discovery Challenge Train. Et en fait, tous les Chinois avaient eu peur. Ouais. Et nous, on était en train de courir sur les... En fait, les Chinois avaient été assez peureux. Ils étaient juste peureux. On te l'a dit, ça, Chinois. Oui, oui, mais ça, c'était assez peureux. Bien, ce que je regardais. Et en fait, avec Salomé, on a l'habitude de faire de la crobranche. Bah, nous, on savait qu'on était attachés, donc on sautait sur les cordes, on bondissait et tout. Ouais. Et à un moment, il y a une échelle de cordes, moi je me mets à courir pour la traverser. Il y avait les Chinois qui me regardaient, qui me filmaient. Ils disaient waouh, comment il fait ça? Alors que les Chinois ils faisaient un par un, c'est une marche une par une. C'était vraiment précautionneux. Moi j'étais en train de trottiner dessus. Ouais, trottiner dessus, c'était marrant. En tout cas, c'était sympa. Franchement, et j'ai vite compris pourquoi. Parce qu'ils avaient interdit les portables. Oui. Bah, tu comprends vite pourquoi. T'es en hauteur et si ton portable tombe. Bah tu oui, laisses quelqu'un en dessous ou même tu le perds. Hein. Ouais. Donc, bah parce qu'en fait il atterrit dans l'eau. Hein. En dessous de toi il y a de l'eau. Ouais. Donc voilà en gros. Quel était votre land préféré? Moi je l'ai déjà dit au début, ça c'est soit Treasure Cove, soit Zootopia, soit Adventure Rise. Et toi Julie? C'est mes trois préférés. Oui, après moi j'ai bien aimé Tomorrowland aussi. Après, Zootopie, magnifique. Après, Treasure Cove, c'est sympa, mais moi, c'était plus par rapport à l'attraction. Après, en termes de déco, j'ai pas forcément de land préféré. Je trouve que tout était quand même assez beau et il y a de la verdure un peu partout. Donc, le parc est quand même beau dans son ensemble. Tout est beau. En fait, c'est ça, c'est comme disait Salomé au tout début, c'est qu'en fait, il est propre. Ouais. Les couleurs sont là, sont vives. Mm. T'es pas en train de gratter avec ton ongle, c'est sur la peinture. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il est verduré, il y a des jardins partout. C'est... Franchement, quand les gens... On a entendu dire que c'est le parc le plus petit. Peut-être. En superficie, peut-être. Mais en tout cas... Mais c'est un des meilleurs. Quand on est dedans, on n'a pas cette impression. Pas cette impression-là, en fait. Tout est grand. C'est un des meilleurs. Après, effectivement, on peut dire au final qu'il n'y a pas énormément d'attractions. Oui, ça, ça c'est une réalité. Par contre, c'est pas très fourni, surtout quand on a déjà fait Orlando et que c'est calqué pour quelques attractions sur les attractions d'Orlando, mais pas la majorité. Même chez nous, Dumbo, c'est le même. Après c'est juste la déco qui change, mais ça c'est le même principe. Mais c'est vrai que, par exemple, comme on a dit dans Toy Story Land, bon, bah, on n'a pas forcément, on s'est pas forcément attardé parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient similaires à chez nous ou même, non, j'allais dire Orlando, non, parce que Orlando, c'est pas vrai, c'est pas les mêmes. Après, nous, Orlando, on n'a pas forcément aimé le Magic Kingdom, donc on n'a pas beaucoup fait le Magic Kingdom. On s'est plutôt attardé à Epcot. Que à Magic Kingdom, mais. Je t'avouerais que mon préféré, c'est Epcot. Mais celui-là, il est pas loin de Epcot. Ouais. Faut dire que c'est quand j'entends dire qu'il faut une journée voire deux pour tout faire. Oh non, je suis pas d'accord. Non. Mais je suis clairement pas d'accord. Déjà, j'estime que nous, il nous manquait. On a fait 4 jours. Genre nous, on y est. 5 jours. On a fait 5 jours. Et j'aurais. Et on n'a pas tout fait. Et on aurait bien voulu une. Il y a des choses qu'on aurait bien aimé refaire. Soaring, on l'a fait qu'une fois. Parce qu'il y avait, Qu'il y avait quand même un peu de monde à cette attraction-là. Les 7 nains, pour le coup... Du plaisir total à le refaire. Déjà qu'on avait galéré à le faire à... C'est très cool. À Orlando, on a dû le faire qu'une fois. Qu'une fois. Là, et on encore, a pu on le faire 3 fois. Wow. Après, là, c'est aussi parce que Clémence pouvait le faire, alors qu'à l'époque où on a été à Orlando, elle était trop petite, donc elle pouvait pas le faire. Bon, après, il y a quand même peu d'attractions qu'elle pouvait pas faire là-bas. À part Roaring Rapid, les jetpacks aussi, elle était trop petite. Et Tron, forcément. Mais globalement, elle pouvait faire quand même pas mal de choses. Elle peut pas faire Rex Racer aussi. Non, mais en fait, les gros coasters, elle pouvait pas. Oui, mais sinon, elle pouvait. Mais sinon, globalement, Zootopie, tout ça, c'était possible. Elle pourrait faire plus de choses. Oui. Mais effectivement, le seul point négatif, entre guillemets, ce serait de dire que. Globalement pas tant d'attractions que ça. C'est juste ça qui est un peu dommage, mais bon, ça va sûrement venir ça, puisque il y a le Land Spider-Man qui arrive. Voilà, il y a l'attraction Spider-Man qui va se faire. Je vous cache pas les filles. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Je vous cache pas les filles. J'en suis persuadée. Ça me trotte dans la tête quand même. De retourner pour faire Spider-Man l'année prochaine. Parce que le Land Spider-Man. Oui, il ouvre la semaine prochaine. Ça me tente, ça me tatouille d'y retourner l'année prochaine. Moi, je vous l'ai dit. Encore en avril. Voilà pour le petit tour des Landes et puis Des attractions. Donc, après avoir parlé des Landes et des attractions de manière générale, je vous propose de parler un peu des personnages. Donc, il y a le traditionnel Mickey et Minnie. Bah, voilà. Et là, la particularité, vu qu'on a un parc asiatique, il y a deux filles and friends. Alors, moi, je vous avouerai qu'au tout début, je me dis, mais quel est l'intérêt de ces personnages ? Je sais pas vous. Ouais. Julie ? Oui, j'étais pas convaincue non plus par le fait qu'il y ait des personnages qu'on retrouve pas ailleurs. Mais ça fait son charme au final. C'est mignon. C'est mignon. Et en fait, c'est là où on voit qu'on participe à la culture chinoise. Parce que j'ai pas l'impression, je crois qu'ils aiment bien Mickey et Minnie, mais ils sont fans de mascottes. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Ils adorent les mascottes, les animaux, etc. Et je pense que créer deux filles and friends, c'est vraiment la bonne idée. Alors, ils sont aussi à Tokyo, je crois. C'est des animaux, quoi. Oui, c'est des animaux. Mais vu qu'ils adorent les animaux. Je sais pas s'ils sont aussi à Tokyo et à Hong Kong, deux filles and friends. Si, aussi. Ah bon. Mmh. Ouais. En tout cas, on a l'impression quand on est sur parc qu'ils sont plus fans de deux filles and friends. Que de Mickey et... Enfin, qui sont pas forcément fans des personnages de Mickey, enfin, qui font l'univers Disney, en fait, de base. Ils sont plus attachés, parce que quand on regarde, ils sont plus déguisés en deux filles et leurs amis qu'en. Aux Zootopie. Il n'y a pas de Disney Bound, entre guillemets. Non. Sauf en Nick et en Judy. Ils sont surtout déguisés en animaux. Oui. Plus que en. Voilà. Parce que les Chinois adorent les animaux. Ils adorent. Kawaii. Ouais. Et ils adorent Mei Mei. Ah oui. Donc voilà. Et puis ce qui est bien, alors l'avantage, c'est qu'ils sont pas du tout fans de Stitch, et ça c'est bien. Mais il y a Stitch quand même. Il y a Stitch quand même, ouais. Alors, l'avantage qu'ils sont tous fans de Duffy and Friends, c'est que pour nous, Européens ou Occidentaux, on va faire la queue pour Mickey, Minnie, Daisy, Stitch. Vous allez mettre 15, 20 minutes, des fois zéro, parce que j'ai pu prendre une photo avec Edna Mode. Et Frozone. Oui, les. Sans aucune attente. Les personnages de Pixar, il n'y a personne. Il n'y a personne, ouais. Avec eux. Même Mickey et Minnie, Daisy, Donald, il n'y avait quasi personne. Ouais, c'était pas très. Et aussi, on a vu qu'il y avait une poubelle qui parlait. Mais il y avait déjà chez nous aussi, il y avait ça à l'époque de Roller Coaster d'Aerosmith. À l'époque, il y avait ça. Mais t'étais trop petite à l'époque. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas. Ou même les princesses, parce que. Oui. Il y a aussi. Ils ne sont pas fans de princesses. Princesses. Il y avait une heure ou. Non. Oui, il fallait disait une heure, mais c'était pas non, une heure, 25, c'était un peu, c'était un peu la moins. La dame voulait nous décourager de base. Oui, elle voulait même pas qu'on y aille de base. Et puis vous êtes sûr, il faut une heure pour la voir. Ouais, on est sûr. À la Disneyland de Paris, il faut 180 minutes. C'est ça, donc on a vu Blanche. Et en fait, on a mis 30 minutes. Ouais, bah, on aurait pu en faire d'autres princesses, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de faire. Ils sont pas très princesses. D'autres personnages. Mais ce qui est bien là-bas, c'est que quand vous faites les princesses, vous avez la princesse plus un prince ou alors deux princesses en même temps. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps. Ouais. Vous faites au moins deux personnages d'un coup. C'est pas mal. Il y avait Belle et Réponse en même temps. Ouais. Et il y avait. Chose qui n'arriverait jamais chez nous. Et nous, on avait Blanche-Neige et. Et prince. Le prince. Charmant. Charmant. Donc, là, par contre, ça vaut le coup d'attendre. Oui, ça vaut le coup d'attendre. Parce que on voit bien qu'en fait, ils n'ont pas la fanatitude à l'égard de Mickey et ses amis ou des princesses. Eux, c'est les animaux. Et puis on le voit bien dans le merchandising, il n'y a pas de merchandising comme chez nous où on peut trouver des peluches, je sais pas moi, de Pampan, de Bambi, même le Roi Lion, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a vraiment que les personnages de base. Et ou Zootopie. Ou Zootopie. et de Fee & Friends. Sinon, le reste, on a l'impression que ça n'existe pas. Si vous avez un petit peu des Aristochats... Bah non, t'as que Marie. Ouais, même pas, il n'y a que Marie. Et pareil, Mulan, qui est censé être un personnage quand même populaire là-bas, puisque c'est chinois. Bah, Mulan et Mouchou, j'ai pas vu grand chose dans les boutiques là-dessus, quoi. Oui. Ouais. Par contre, Pandaru, t'en avais à foison. Ah oui, Pandaru. Zootopie, t'en avais à foison. Voilà, si tu veux acheter une queue du Pandaru. Oui, on peut acheter une queue du Pandaru. Donc, voilà pour les personnages. Dites-vous que si vous avez l'occasion, si à Disneyland Paris, vous n'avez pas faut une heure pour faire un Meet Mickey, voire deux heures, bah là-bas, il vous faudra 15 minutes. C'est et ça, encore. Pour faire une photo. Et encore. Moi, on a fait Stitch et on a attendu 30 minutes. Ouais. Même pas ? Même pas. C'était assez rapide, franchement. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix d'aller vite, parce que comme je disais tout à l'heure, le public chinois il arrive en masse. C'est massif. Oui, puis et donc en fait, c'est cadré, quadrillé. C'est très cadré par les cast members. Les cast members, en fait, c'est eux qui disent tu fais telle pose. En fait, vous y allez, vous faites votre câlin, et ce que je voyais pour Stitch, toi par exemple, vous y allez, vous faites votre câlin, et après, ils disaient tu fais telle pose, telle pose, telle pose, telle pose, tu t'en vas. Tu fais telle pose, telle pose. Et c'était comme ça à chaque fois. Mm. C'est comme moi quand je suis passé avec Enamode ou Frozone. Par contre, moi, j'ai pas eu le droit de faire le selfie, alors qu'ils proposaient aux Chinois de faire un selfie à la fin. Parce et que moi... À mon avis, c'est parce que tu as mis trop de temps à un moment donné. Vous avez... Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est parce qu'elle a fait une photo toute seule Frozone, avec Salomé, peut-être. Frozone et Enamode. J'avais personne derrière moi. Ils m'ont quand même pressé. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est la culture chinoise, vu qu'ils sont nombreux quand ils arrivent dans le parc. Il faut que ce soit fluide dans les attractions. Il faut que ce soit grand aussi. Quand tu regardes Pirates des Caraïbes, c'était à coup de 32 personnes quand même. Ouais. Dans chaque wagon, c'était 32. Et il y en a deux qui partaient, ou trois, je sais plus. Trois qui partaient. Donc ça fait plus de 90 personnes en une seule fois qui partaient. Là où nous, c'était c'est une cinquantaine, tu vois. Et je pense qu'en fait, ils font exprès, parce qu'en fait, faut que ça soit fluide. Faut que ça aille vite. Tu voyais bien. Ils te dirigeaient quelle pose faire, et ils te demandaient ton appareil photo pour prendre une photo à ta place. Oui, là-dessus, ils sont pas chiants. Ils sont pas, c'est pas comme à Paris où ils essayent de vendre du photopass à tout. Ah non, là-bas, j'ai l'impression qu'au contraire, ils vendent pas de photopass. Le photopass, là-bas, c'est pas du tout la culture. La culture. Ouais. D'ailleurs, il y a personne. Par exemple, si tu fais une attraction comme Zootopie, personne ne prend les photos des attractions. Même, regarde, t'avais les photos des attractions à récupérer. Il y a personne, tu sais même pas comment faire pour les récupérer. Tu sais comment faire, toi ? Non. Bah voilà. En fait, tu les prends en photo. Ouais. En fait, en plus, tu peux les prendre en photo. C'est peu flouté. Enfin, c'est pas flouté, non. Non, ça va. Voilà pour les personnages. Pour la parade, on a fait la parade, elle est belle. Ouais. La parade, c'est une pré-parade avec Duffy and Friends. Et après, ils enchaînent sur la parade normale, en fait. Qui est originale. Voilà. Bah, c'est la chanson des 10 ans. Oui. Avec la chanson des 10 ans du parc. Après, du coup, on ne sait pas ce que c'est. On sait pas ce que ce sera quand ce sera plus les 10 ans du parc. Est-ce qu'ils vont changer de chanson ou est-ce qu'ils vont laisser cette chanson ? En tout cas, c'était une belle parade, assez longue. Mm. J'ai trouvé plus belle que. Alors, peut-être parce que je suis lassé que celle qu'on a depuis des années à Disneyland Paris. Mm. Ouais. Mais en tout cas, puis notamment Mulan sur un cheval géant. Là. Oui, puis bon, au final, sans forcément être bien placé dans la parade, on pouvait quand même voir la parade. Oui, puisque les trottoirs sont larges. Ouais. Et en plus, tu pouvais les voir partout. Parce que chez nous, en fait, vu que c'est pas très large, Enfin, nous, ils font Main Street, ils montent, ils font le tour du hub, ils s'en vont. Mm-hmm. Là, ils traversent tout le parc. Ouais. Ils traversent tout le parc dans sa largeur. Donc, en fait, tu peux le voir entre Tomorrowland et les pirates. Oui. Donc, tu pouvais te placer n'importe où. Oui, non, et en fait, vu que les allées sont larges, Tomorrowland, par exemple, sur deux étages, tu te mettais à l'étage. Tu n'es pas obligé de te placer 3 heures avant pour voir la parade. Ah non, pas du tout. Non. Nous, à chaque fois qu'on l'a vu, on était à côté et en fait, on voyait la parade aussi bien. On s'est pas embêté. Ah non, de toute façon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, ce qui est bien là-bas, c'est que quand les gens regardent la parade, ils laissent quand même un flux pour que les gens puissent circuler et que ça bloque pas tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont très cadrés, les Chinois. Et au-delà de ça, c'est que là où nous, on souffre de parents qui mettent leurs gosses sur leurs épaules. Oui, là, c'est interdit pendant la parade et les spectacles sur au niveau du château. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, on en profite pour en parler, c'est écrit à peu près partout que la moindre infraction au parc. Vous êtes dégagé du parc direct, sans être remboursé. Immédiatement et compensé, c'est marqué. Ouais, sans être compensé. Enfin, en fait, on l'a entendu, on ne vous êtes pas remboursé. On l'a vu, nous, deux fois avec Salomé. lors du spectacle, la fille elle a allumé un flash lors du spectacle. Il y avait une casse-membre qui lui a littéralement sauté dessus. Et elle l'a viré de la salle. Et l'autre avec, pareil, le même spectacle, avec les deux enfants qui voulaient monter sur la scène. On l'a vu avec Salomé. Oui, bah de toute façon, là-bas, il y a peu d'incivilité. Non, ouais, quand même. Vu un seul. Parce qu'en fait, automatiquement, ils vous virent du parc. Ils voulaient attraper la mousse qui était... Tu vois, quand on est allé au spectacle, il y avait la Reine des Neiges. Bah, ils voulaient attraper la mousse. Ouais. En fait, on sent bien que la moindre infraction, ou comme la fille qui voulait prendre en photo... En fait, c'est la fermeture du parc. Elle voulait se prendre en photo à côté de la fontaine. Mais le parc fermé, elle se faisait... Le casse-membre, lui a, entre guillemets, gueulé dessus pour dire « Non, tu t'en vas !» Et elle n'a même pas cherché, elle n'a même pas pris la photo, elle s'est même pas assise sur la fontaine qu'elle est déjà partie. Oui. En fait, c'est peut-être sévère ou trop sévère, mais je trouve que ça participe aussi au fait d'apprécier le parc. Oui, oui. C'est pas le genre d'incivilité qu'on avait à l'époque. Où le oui, gamin, après, c'est vrai que les gens sont... Où le gamin, il pisse, là, tu sais. Oui. Les gamins, des centres de Paris, ils pissent dans des encoins. Ou les gamins qui jetaient des graviers quand, à l'époque, c'était... Le visage Joyeur dans le labyrinthe qui était en gravier, c'est des fleurs maintenant qui balançaient sur les gens. Là-bas, faut même pas penser faire ça. Hein. Non. Là-bas, tu fais ça, ils te chopent direct et tu dégages. Les enfants chinois sont très disciplinés. Hein. Ah oui, alors si vous voulez un enfant qui ne pleure pas, qui ne chouine pas, qui réclame rien, je n'ai pas. Hein, prenez un enfant chinois, ils sont en modèle. Ils sont très disciplinés. Ah oui, même le chinois. On n'a pas vu un seul enfant chinois pleurer dans le parc, réclamer quoi que ce soit. C'est impressionnant. Mmh. Alors bon, après, voilà, c'est bien et pas bien dans le sens où je sais pas ce que ça fera ces enfants-là adultes, parce que bon, si t'as pas le droit de t'exprimer, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est assez saisissant. Le contraste entre les enfants qu'on peut voir dans les parcs américains qui font des crises, etc. C'est même français. Hein. Même français. Et d'ailleurs, dans une file d'attente Pirates des Caraïbes, il y avait une gamine qui chouinait. Enfin, c'était même pas chouiné, hein, c'était hurlé. C'était une petite enfant européenne. Alors pas française, anglaise je crois. En tout cas elle était pas contente et c'est vrai que les Chinois étaient un peu en mode mais qu'est-ce que c'est que ça quoi, on n'a jamais vu un enfant faire une crise comme ça, pour eux c'est complètement inconnu quoi. Mais effectivement c'est un peu le choc des cultures sur ça quoi. Il y a même je crois une dame qui a frappé sa fille. Non, c'est pas ça. Non. Si pas ça. Tu l'avais dit. Non, c'est pas dit. C'est quand on a été voir mon client chez lui, il nous a expliqué qu'il y avait une Française qui avait giflé un enfant. Elle a eu 5 jours de prison. Parce qu'en fait là-bas, direct. Bah, t'as jugement, pas le droit de frapper. Non, mais lui, elle a pas eu le droit, mais c'était pour montrer la sévérité. Voilà, elle a fait 5 jours de prison. C'est automatique, sans juge, sans rien. C'est-à-dire dès lors que tu fais une bêtise. Garde à vue. Ouais. Garde à vue direct. Ouais. Sans juge et prison 5 jours pour punir. C'est ce qu'elle a eu, la Française. Ah, c'est une Française, en oui, plus. C'est une Française, elle nous a dit. Bah, c'est et en fait, là-bas, leur système de punition, c'est ça. C'est tu passes 5 jours au cachot, entre guillemets, et pour bien que ça serve de leçon dans les infractions qui sont petites, de ce qu'on a compris. Mais bon, c'était pas dans le parc, ça. Et quand tu voles ? Bah, je sais pas, ça, mais je suis pas spécialiste de la loi chinoise. En tout cas, on sait que la prison, c'est quasi automatique pour te punir. Voilà. Peut-être sans juge, selon Pyrrhus. C'est direct sans juge. Voilà, en même temps, à mon avis, tu gifles un enfant, tu fais 5 jours de prison, ça va te refroidir. Ah oui. Voilà. Bref, revenons au sujet. Le sujet était que, je ne sais plus quoi. Les spectacles. Les spectacles. Donc on a vu le spectacle de Pirates des Caraïbes, Eye of the Storm, qui était bien. Qui est bien. On n'a rien compris. On n'a rien compris parce que tout c'est en chinois. Mais de belles cascades. Et on n'avait jamais vu Jack Sparrow chinois, mais. Ah oui, c'était drôle. C'est un peu surprenant. Ouais. Mais il jouait bien. Hein. Mais non, franchement, les acteurs étaient très bien. Par belle contre, cascade. C'est un stunt show. Je trouve que la c'est première partie du show est trop longue. Ça, on l'avait déjà entendu des gens qui avaient déjà été à Shanghai Disneyland. Par contre, la deuxième partie où on est assis, parce que la première partie, on est debout. Mais ça va, hein. Franchement, on n'est pas trop serré, les gens sont quand même disciplinés, ils poussent pas, enfin. Ouais. Bah, c'est ça, ils sont disciplinés. Franchement, en fait. Ça va, ouais. c'est supportable de rester debout. Bon, c'est vrai que c'est un peu pénible de rester debout quand même. Mais la deuxième partie, on est assis, donc ça c'est bien. Dans et dans un théâtre, franchement, vraiment pas mal le t'as plein de le fumée spectacle. Aussi. Ouais, oui, il y a plein d'effets, tout ça, c'est ouais. franchement sympa. Wow, après, c'est pas trop dur à comprendre. Moi, en fait, j'ai bien t'as Jack qui arrive. Sans forcément comprendre la langue, par la gestuelle, tout ça, on peut comprendre plus ou moins l'histoire, c'est pas hyper complexe. On va faire comme Jack Sparrow, tu sais, où là, où il vole. Ah, il parle du public. C'est trop bien. Ouais. Oui, il y a des petits effets comme ça qui sont sympas. Et on a fait un deuxième spectacle qui ressemble un peu à... Enfin, c'est le même style Mickey que Mickey le magicien. C'est le même style que Mickey le magicien. C'est Storybook, je ne sais plus, Mickey Storybook, je ne sais pas quoi, quelque chose. Et là, ça ressemble un peu à Mickey le magicien. L'histoire, c'est que Dingo et Mickey sont dans une bibliothèque. Et Mickey sort Olaf du livre. Sans faire exprès. Livre géant. Pareil, c'est beaucoup de mapping. Ouais. Il y a un livre géant et Mickey doit sortir Olaf par hasard d'une des pages. Oui, c'est Olaf qui sort, on ne sait pas trop comment du livre. Voilà, et en fait. Et Mickey... le but, c'est d'aller remettre Olaf à la bonne page. Et donc, du coup, il traverse. Donc, en fait, il tourne les pages. Il rentre dans le livre et il tourne les pages au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois qu'il tourne une page, ben, c'est. C'est un classique Disney, livre de la C'est genre. Un petit. Une scène avec des personnages différents. Mmh. Pas tous les personnages non plus, parce que faut savoir qu'à Disney Land Shanghai, il n'y a pas tous les Disney. Non. Donc, vous avez des princesses. En tout cas, c'était génial. Les acteurs chantent très bien. D'ailleurs, je trouvais que. En tout cas, j'avais peur qu'en en chinois, ça allait me choquer. Et même pas. Je trouvais non, que la langue chinoise rendait même la chanson très Il y a des chansons qui très douce, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en chinois. Bien. Et franchement, c'est pas choquant. Moi, j'aimais pas trop la voix dingo chinois. Je trouvais que ça lui allait pas. Mickey en chinois, c'est drôle. Hein. Oui, Mickey en chinois, c'est marrant. Olaf en chinois, bon après c'est Olaf sans tête, hein, mais à un moment donné Olaf n'a plus de tête. Mais c'est... Il n'a plus de carottes. Il n'a plus de nez. C'est fait exprès, on a cru que c'était pas normal. Bon, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a un bug, mais non, en fait c'est normal, il n'y a pas de tête. En tout cas, c'était assez. Franchement, j'aurais bien voulu le faire une deuxième fois. Ouais, on n'a pas eu le temps de le faire, voilà. Mais. On n'a pas fait d'autres spectacles. Ah, si, on a fait Art of Magic, qui est au pied du château. Oui, ça, c'était trop bien. Ouais, le spectacle du château. Il est génial. Franchement, bien. Il est assez long, il est trop pareil, bien. Où les gens disent qu'il faut aller pour se placer hyper tôt, non, machin. Non, ça sert à rien. Franchement. Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hub. Non. C'est une place énorme, comme disait Salmé, c'est une place peu importe carrée. Où vous êtes placé, vous allez bien voir la scène. Bon, après nous, on était juste devant, au final, on voyait pareil, pas forcément mieux. Et pareil, les gens n'ont pas d'enfants sur les épaules, c'est interdit. Non, bon, après, ils ont tous leur téléphone quand même. Hein. Oui, mais sinon, ils ont tout le temps le téléphone, rien. Ça, un c'est une réalité dessus. Quand même. Mais bon, mais bon, je préfère avoir on a pu. Téléphone qu'avoir des on pouvait voir, on voyait bien les personnages. Mais toi, tu j'avais mis voilà. Clément sur mes épaules. Benjamin monsieur... voulait mettre Clément sur les épaules, le monsieur lui a dit non, et c'est pas permis. Parce qu'il y avait personne derrière moi, quand même. Oui. Il y avait personne. Oui. C'était un jardin. Oui, oui. Après, nous, on était et dans une voir, zone. Il m'a dit gentiment. Où derrière, il y avait un endroit où on pouvait circuler, où il n'y avait pas le droit de s'installer. Ouais. Et les gens dit, étaient encore derrière. Ça, ça va. Alors du coup, c'était comme quand on est dans le hub. C'était l'équivalent du hub chez nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est placé là, tout le temps du spectacle, on ne peut pas sortir. Ouais. Même pour aller faire pipi. Ouais. C'est comme quand vous êtes sur le hub à Disneyland Paris, au milieu du hub. Si vous êtes, voulez sortir pendant le spectacle, ce n'est pas possible. Ouais. Donc là-bas, c'est pareil. Mais bon, vu que c'est assez aéré, il y a de l'espace. Oui, non, franchement, on ne se sentait pas tassé. Et en plus, tu avais de l'eau qui te... Oui, alors après, il y a des effets d'eau. Et c'est vrai, quand vous êtes vraiment devant, vous pouvez vous prendre un peu d'eau dans la tête. Hein, mais ça va, ça passe. Vous pouvez trouver le spectacle sur YouTube. Il est très beau. Ouais, franchement, très sympa. Ce que j'ai compris, c'est... Alors, je pense que c'est un lien avec le cristal de Grotto. Ouais, on n'a pas trop compris l'histoire du spectacle, mais... En tout cas, c'était vraiment bien. Si on donnait... Il y a des belles scènes. Après, il faut aimer Hercule anorexique. Oui, alors après, je pense qu'il faut qu'ils investissent un peu plus sur les acteurs qui font les personnages européens. Parce que du coup, Hercule faisait aussi Flynn Rider dans le même spectacle. Donc on s'est dit, attends, c'est le même gars. Et, bon, après, les princesses, c'était pas les mêmes. Ouais, mais il y avait Mulan, la Reine des Neiges... Ah, il y avait... Alors, et la scène, tous Réponse... Hurlé. Oui, c'était Red, ouais. May. Quand elle est arrivée. Alors, May, ils étaient tous dingue. Dans un état second. Et quand les groupes, le boys band s'est mis à chanter. Oui. Aussi, ils étaient devenus dingues. Oui, mais alors. Temps, avaient... elle est alors, sachant que les Chinois qui sont dingues, on reste quand même dans quelque chose de très soft, hein, parce que. Faut savoir qu'un public chinois, c'est comme entre guillemets les publics parisiens. Les gens n'applaudissent pas. Ils n'ont quasiment pas de réaction. Ah bon ? C'est un public parisien comme ça ? Bah, c'est ce que disent toujours les humoristes. Ils ont toujours peur de faire un spectacle devant les publics parisiens parce que, soi-disant, c'est les publics les plus exigeants, difficiles. Donc, je pense que si. Même pas, tu vois, tu m'apprends. Je pense que s'ils venaient en Chine, c'est pire. Après, ils sont tout le temps sur leur portable. Oui, bah, c'est peut-être parce ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les Chinois, en fait, ils ont tout le temps leur portable. Oui, mais ils n'ont pas d'avis aussi, c'est peut-être ça. Oui, mais ils ne vont pas dire qu'ils aiment bien ou ils n'aiment pas puisqu'ils n'ont pas d'avis. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas d'avis. Non, mais vous faites des raccourcis, les filles. C'est un truc de fou. En fait, le truc, c'est qu'on a appris qu'il est difficile pour les Chinois d'avoir un avis. Oui. Par exemple, un avis politique, ça sert à rien de leur demander. Ils vivent dans une dictature, donc c'est normal. Un avis politique, ça sert à rien. Ils n'ont pas le droit d'en avoir. Ça sert à rien parce qu'ils vont pas vous donner leur avis politique. Mais par exemple, j'avais posé la question à mon client français là-bas. Je lui ai dit, et si j'aimerais bien voir un Chinois, lui demander ce qu'il pense de Walt Disney, oui, de sa vie et tout. Et il va rien dire. Aucun ne répondra parce qu'ils ont. Non, mais il a pas dit. Vous faites des raccourcis. Il a pas dit. Il va penser. Il a dit, ça sera difficile d'avoir un avis. C'est ce qu'il a dit. C'est pas une discussion qu'on peut avoir avec un Chinois. Voilà, c'est ce qu'il nous a. Ici, tu peux l'avoir, mais c'est extrêmement difficile d'avoir de telles informations d'un Chinois. Oui, puis ça se trouve, il connaît même pas, en fait, tout simplement. Moi, je pense que, et c'est ce que je te disais, c'est que je pense qu'en fait, tu leur parles de Walt Disney, etc. Et je pense qu'ils ne voient pour pas ceux, qui c'est. Pour ceux qui savent qui c'est, ils vont pas savoir beaucoup plus simple, que ça. C'est simple. Ils avaient leur photo, leur appareil photo tout le temps, leur téléphone. Tu te souviens, il y a une statue de Walt Disney avec Mickey à l'entrée. Ah, à l'entrée, devant le château. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pris en photo. Oui, mais il la prenait pas en photo. Aucun Chinois était devant à prendre une photo. Non. Ils étaient tous en train de prendre des photos devant une peinture de Mushu, etc. Ou un réverbère à Zootopia. Oui, oui. Là où moi, j'ai apprécié... Parce que les Chinois viennent à Disney, mais pas parce qu'ils sont fans de Disney. Plus par rapport aux divers... De Fee and Friends, peut-être, mais par rapport au côté de divertissement. Ouais. Moi, je pense que c'est plus ça. Dans la culture chinoise, à mon avis, les Chinois ne sont pas fans de Disney, comme peuvent l'être les Européens. Les Européens ou les Américains. Les Américains. En fait, je pense qu'ils viennent faire des attractions oui, et passer surtout, je le pense, surtout passer un moment en famille. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'occasion d'aller au parc, c'est l'occasion de faire un parc d'attractions et de passer un moment en famille. Parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parcs d'attractions. Tu vois bien plus que sur place, en la Chine, famille, hein. C'est une importance suprême. Ouais. On a vu très peu de groupes d'amis. Hein. Non, c'est vrai. C'était deux. Il y avait beaucoup de deux max, mais beaucoup de famille. Et sinon, oui, c'était des jeunes filles, mais. Après, il y avait aussi le fait que c'était la période scolaire, donc il n'y avait pas forcément d'enfants de l'âge de Salomé. C'était plutôt des petits. Oui, mais bon, après, quand tu regardes... Enfin, moi, j'ai plus l'impression que... En tout cas, les Chinois... Est axé sur la famille. Dans tous les cas, on peut quand même le dire. Quand il y a des spectacles, le Chinois n'est pas très expressif. Non, il n'est pas. Voilà. Et c'est ça nous a un peu choqué parce qu'on s'est dit, nous, on applaudit. Limite, on est un peu des ovnis. On applaudit alors que tout le monde est là, genre stoïque... Aucune expression. Oui, mais après, c'est le fait aussi, je pense, qu'ils sont avec leur téléphone à la main. Oui, je sais pas. Non, moi, je pense que c'est plus une... C'est plus culturel aussi. Hein. D'accord. Peut-être que ça se fait pas chez eux d'applaudir. Une expression corporelle particulière, une émotion. Non, mais je veux dire, ils sont pas... C'est pas des gens qui sont... c'est des gens qui vont être plutôt discrets. Alors, je vois ça comme ça. Enfin, discret, oui. Et surtout, pas dans le côté vestimentaire, mais plus dans le côté personnalité. Au-delà de la discrétion et de l'émotion, je dirais même qu'ils sont la population. Pourtant, on a fait des voyages. Ils sont normés, de toute façon. Oui, mais on a fait beaucoup de pays. Quand tu regardes les Chinois, la population chinoise, elle est extrêmement respectueuse. Elle a toujours... Je la trouve très bienveillante à notre égard. C'était toujours est-ce que ça va ? Est-ce que vos enfants sont bien installés ? Est-ce que vous êtes bien installés ? Est-ce que je l'ai trouvé très respectueuse ? Dans les files d'attente, est-ce que je vous sers pas trop ? Tu vois, j'ai trouvé la population chinoise extrêmement respectueuse par la politesse, etc. Cherche-moi un autre pays qu'on a fait où tu as vu un peuple aussi respectueux. Non, c'est vrai que là-dessus... C'est là où on a une bonne claque. Moi, c'est ça qui m'a dit. Les deux choses que je te l'ai dit qui m'ont surpris du peuple chinois. C'est le téléphone portable constamment en main. Et le fait de faire des photos. Ou alors c'est plus parce que c'est. Partout, tout le temps. Et le respect. C'est peut-être plus bluffé. Parce que c'est à Disney. Parce que je crois que les gens qui peuvent aller en Chine disent quand même que les Chinois sont moins respectueux que les Japonais. Peut-être, par contre, tu te sens en sécurité. Oui. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais bon. En tout cas, pour le spectacle. On a beaucoup apprécié le spectacle sur le château, le spectacle dans une salle. Ouais. Storybook. Ouais. Après. Après, si on peut parler du spectacle du soir, qui est assez cosmique ou lunaire. Oui. Alors le spectacle du soir qui est sur le château, c'est un mapping comme sur le château. Il ouais. Y a pas de drone, hein. C'est un mapping pur et simple. Après, pareil, on n'est pas obligé d'être devant pour voir, mais bon là, quand même, il y avait du monde, donc. Mais après, ça, on n'a pas tout vu. Il y a du monde, mais le chinois, il va prendre 20 photos et il va se barrer. Oui, alors, c'est ce qu'on a vu beaucoup, c'est qu'il y en a, ils ne restent pas jusqu'à la fin. Non, ils prennent des photos, ils ont leur quantité de photos, ils voilà. Sont bons. Ils ça prennent une photo, ils font un truc, et puis hop, après, en plein milieu, ils s'en vont. Et encore une fois, on est sur une grande place. Oui. Donc, on n'est pas serré à rien. Voilà. Et ben, vous pouvez aller le voir sur Internet, je pense, mais en tout cas, pour moi, il était un peu lunaire. Si vous avez par exemple du Réponse, d'un coup du Marvel. Oui, c'est pas. Il n'y a pas tellement de cohérence, ça raconte pas une histoire. Non. C'est du mapping pur et sûr. C'est du mapping. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient les spectacles chez nous. Bah, au final, celui de Shanghai n'est pas le meilleur, ça c'est sûr. Non, ceux qui critiquaient, c'est ceux qui disaient que Cascade of Light n'avait pas d'histoire. Oui, mais quand même, Cascade of Light, c'est quand même plus beau que que ce qu'on a vu là à Shanghai. Mais le truc, c'est que. On peut pas dire que c'est le plus beau truc qu'on ait vu. Il se finit en. C'est assez pauvre, c'est-à-dire qu'il y a que. Du mapping. Du mapping et que des feux d'artifice. Et encore, les feux d'artifice. Et des lasers. Ils ont pas tout donné. Et vous voyez pas Mickey, ce que vous avez. Il y a beaucoup de personnages, mais c'est vrai que c'est. En fait, c'est une succession de dessins animés. Une succession de dessins animés. Après, il y a des petits effets avec les choses autour. Quand on voyait les lumières qui s'allumaient sur des lampadaires dans les jardins, ça c'est une bonne idée, mais c'est peut-être pas assez développé non plus. Maintenant, c'est pas exceptionnel. Et ça finit en tectonique. La partie Marvel, c'est du tectonique, ouais. Mais bon, en même temps, la partie Marvel est cohérente. Ouais. On a tous les Marvel. Mmh. Et c'est, l'impression que j'ai eue en regardant, c'est que c'était une succession de dessins animés Disney. Bah oui, et c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire que vous allez avoir une musique qui ne correspond pas du tout aux images. Bah regarde, Tectonique, il y avait Réponse. Ouais. Je sais plus ce que c'était comme chanson. Non, genre, non. C'était La Reine des Neiges et l'image, c'était pas du tout La Reine des Neiges. Non. C'était Mulan. Oui, voilà. Mais il y avait la musique de La Reine des Neiges avec Mulan. Mais ça, ils aiment bien mixer les Chinois là-dessus. Voilà, ils n'ont pas trop de cohérence entre les dessins animés, les musiques. Si vous aimez le mapping, ça vaut le coup. Oui, oui. En tout cas, j'ai fait qu'une fois, ça m'a suffi. Par curiosité, il faut aller le voir. Mais, mais c'est vrai que c'est pas. Faut aller tout voir, je dis. C'est pas un effet waouh, quoi. Oui, c'est vrai, il n'y a pas l'effet waouh. Moi, mon préféré, c'est là où il y avait les Marvel avec les lasers. Ouais, ça, c'était bien. Cette fois, il n'y avait que Marvel. Ça, d'ailleurs, il y avait pas de Marvel. Enfin, si, il y avait du Marvel là-bas, mais c'était juste une salle où on prenait des photos. Après, je pense qu'au niveau spectacle, il n'y a pas d'autre chose à voir sur le parc. Non. Ce qui était drôle à la salle Marvel, c'est que. Ah non, tu parles de la salle Marvel, c'est pas la même chose. Oui, parce qu'on en parlait. Parce que là, on parle du spectacle sur le château. Vous voulez parler de la salle Marvel, parce que tu parlais de Marvel, donc du coup j'ai dit oui, il n'y a pas de Marvel sur le parc, sauf une salle. Il n'y a pas Marvel sur le parc, c'est vrai. Ce qui est drôle dans la salle Marvel, c'est que quand on a fait la queue, c'était Star-Lord et Gamora, je crois que c'est ça. C'est ça. Et Star-Lord, en fait, perdait sa moustache. Il a perdu sa moustache. Petit problème de costume. J'ai fait en story, je crois. Star-Lord, il perdait sa moustache, ouais. Et du coup, il était comme ça. On vous a beaucoup parlé aussi, parce qu'on en parlait de temps tout à l'heure. J'y viens d'y penser pendant que j'y pense. En fait, vous ne fiez pas au temps laissé par les Chinois. Zootopie, c'était marqué 80 minutes, on n'a fait que 40. Soaring, c'était 60, on n'a fait que pareil, 40 ou 30. En fait, il faut savoir qu'à Orlando, il fallait tout le temps enlever 20 ou 30 minutes. Parce qu'ils gonflent les temps d'attente pour vendre des lighting lanes. En Chine, j'ai l'impression qu'il faut diviser par deux. Ouais. Enfin, mais moi, j'ai l'impression qu'en Chine, les gens ne prenaient pas beaucoup de premier access. Parce que le chinois est un peu radin, j'ai l'impression. Ou ils n'ont pas trop de moyens, hein, c'est pas des Américains. Hein. Et en fait, non, les premiers access, j'ai pas l'impression que les gens se précipitaient pour en prendre. Les gens font la file d'attente classique et de toute façon, ils ont l'habitude d'attendre. Donc, je pense que ça les dérange pas. Et le fait qu'il y ait beaucoup... Et ça va vite aussi, en fait. Ouais, qu'il y ait beaucoup de temps d'attente, ça a pas l'air de les horrifier. Ils ont l'habitude. Mais même, au-delà de ça, les temps sont très surcotés. Enfin, Oui, après c'est un peu gonflé quand même, c'est parce que gonflé pas un peu largement. Oui, oui, oui. Bah ça dépend, parce que sur Tron la dernière fois on avait 50 minutes et au final on a fait 45. Oui, donc sur Zootopie c'était 80, on a fait que 35 ou 40. Oui, sur Zootopie c'est vrai que c'était un peu gonflé. 60, on avait fait 20. Donc ouais. Tu vois, c'est pas. Mais après quand il y a vraiment 120 minutes, je pense que c'est pas c'est y a, pas y a gonflé. Que deux filles et ses amis ou c'est marqué 4 heures. Oui, alors les deux filles et ses amis, je pense que pour le coup ça doit être le vrai temps. Bon, on a fait le tour, je pense, des personnages, oui. Du spectacle, je pense. Hein, voilà, c'est pas y a pas grand chose à dire à part deux filles et ses amis, où là vous avez à attendre d'une manière très longue. On aurait bien aimé le faire, mais ouais, mais c'est pas possible. Enfin, c'était trop long. Mais ça vaut le coup parce que tu vois tous les deux filles et ses amis. Oui, c'est vrai. Ou des fois ils sont dans la rue. Ils sont à Mickey Avenue. On peut parler de la nourriture. Oui, on peut. On a eu l'avantage, c'est qu'on a eu la nourriture classique dans le parc. Plus, ils ont fait aussi carrément pour les 10 ans. Chaque restaurant avait son plat spécial des 10 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, moi je n'ai pas remarqué. Bah, moi j'ai remarqué. Voilà. En ce qui concerne la nourriture, donc si vous avez fait des enfants difficiles. Comme moi. Voilà, bah, préparez-les. En fait, vu que c'est un, je l'ai dit en introduction et puis on en a parlé un peu, on est sur un parc qui est authentiquement Disney et distinctement chinois, comme disait Bob Iger. Donc du coup, ils vont pas mettre des burgers et des frites, ni des nuggets. Si un restaurant ou le restaurant qui est dans Tomorrowland. Ouais. Non, c'est pas des nuggets. C'est des pilons de poulet. Oui, mais t'as quand même des burgers. Bon, après, des burgers à la sauce chinoise, donc un peu épicé quand même. Burger soja avec des noisettes, des cacahuètes et c'est les des... Chinois adorent quand c'est épicé. Non, il y avait quand même un burger qui était plutôt basique. À part un seul. Mais... Vous n'allez pas me dire que c'est... Non, il y a globalement la nourriture, c'est de la nourriture chinoise. Bah, c'est des ramen, c'est des noodles. C'est du riz avec du porc au miel, du poulet au miel. Il y a aussi un snack qui m'a pas bien choqué, c'est la... Alors, il y a bien sûr la cuisse de dinde géante, mais tu avais aussi la cuisse de canard. Des trucs de canard, ouais. Une cuisse de canard trempée dans de la soupe, avec une sorte de pâte ou d'algues. En fait, n'attendez pas à vous dire, c'est pas comme Orlando, c'est pizza, mac and cheese, burger, frites, ben voilà. Là-bas, ouais, c'est distinctement chinois. Il faut c'est chercher vraiment... les endroits où ils font des choses plus... Nous, ça ne nous dérangeait pas. Plus internationales. Julie et moi, ça ne dérangeait pas. mais pour les filles, c'était un calvaire. Bah, on était obligé d'aller toujours au même endroit. Pour ouais, en fait, les filles voulaient aller chez Koukiane, la pâtissière, parce qu'il y avait des croissants au jambon et à la béchamel. Crêpes au jambon au fromage. Mais crêpes jambon au fromage, mais ils mettent de la moutarde avec... Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, on ne peut pas demander à ce qu'ils enlèvent un ingrédient. C'est soit vous prenez le plat, soit vous le prenez pas. Mais en tout cas, là-bas, c'est pas possible de demander sans un ingrédient. Exemple, il y avait un stand où ils vendaient des hot dogs. Les filles voulaient des hot dogs. Et le hot dog était ketchup moutarde. Par exemple, vous dites, est-ce que vous pouvez enlever la moutarde? Non. C'est, en fait, les Chinois, c'est soit tu prends le plat, mais ils font pas de ils n'enlèvent pas d'ingrédients. Moi, j'aime voilà. bien la moutarde. Oui, mais Clémence n'aime pas la moutarde. Donc voilà. La crêpe jambon fromage, la difficulté était qu'il y avait de la moutarde dedans. Donc on ne pouvait pas demander d'enlever la moutarde. On a espéré que Clémence n'en s'en rende pas compte, mais elle s'en est rendue compte. Donc les filles, nous, chez nous, elles ont beaucoup mangé des croissants jambon et des... Après, Salomé, elle a appris à manger maintenant du riz avec du porc sauce soja. Ouais. Bon, elle a bien voulu goûter, elle a bien aimé. Mais en tout cas, ouais, si votre enfant est difficile, waouh, bon courage. D'autant plus que dans le parc, vous pouvez pas acheter de chips, non. ni de bonbons. Il y a pas de chips. C'est que dans les hôtels. Voilà, non, que... bah non, même pas, parce que. Même pas. C'est que dans l'hôtel, les chips, vous en trouvez qu'au Shanghai Disneyland. Parce que Toy Story, on n'a pas trouvé. Toy Story, on n'avait pas. En fait, vous pouvez. C'est essentiellement. Ne vous dites pas, on va acheter un snack dans le parc. Puisqu'en fait, ils vendent, comme on a dit, ni chips, ni bonbons, ni Snickers, ni Mars, ni Twix, ni... voilà, ils vendent pas ça, en fait. C'est soit les... Même nous, on a des grosses sucettes, nous. Eux, ils ont si, là, si, il y avait des petites sucettes avec la tête de Mickey... Il n'y a même pas de paquet d'M&M's, d'ailleurs. Non. Bah, non, pas dans le parc, il n'y en a qu'à Disney Town, où il y a une boutique M&M's. Et d'ailleurs, les M&M's, c'est aussi cher que chez nous. Il y a même un personnage M&M's. Oui, il y a même un personnage dans la boutique. Un gros M&M's. Le personnage Parle au cast member, oui, qui est dans la bouche. Oui, bah, en même temps, c'est son collègue. Et comme ça. C'est son collègue. C'est vrai. Moi, je croyais que c'était une fausse, un faux MLM, ce qui parlait. En fait, c'est un vrai. Bon, voilà, pour dire, c'est que pour manger, voilà. Moi, je trouve que c'est le parc où on a le mieux mangé. Il faut qu'ils nous expliquent comment ils font pour faire une tête de Winnie avec du jaune d'œuf. C'est... Ou une tête non, de Mickey. C'est Mickey, c'est Mickey. C'est, en fait, ils font... Non, il y avait Winnie aussi. Qu'ils font une sorte d'omelette. Et après, ils oui, je pense qu'il y a, un truc, mais on n'avait jamais vu ça avant. Alors, par contre, c'est des trucs spéciaux. Alors, par exemple, il y avait un croque-monsieur champignon miel. Mmh. Et... On aurait pu goûter, nous, ah. mais on n'a pas pareil, goûté. Les filles, elles font, ah, croque-monsieur champignon miel. Oh non. Bah, c'est comme le sandwich dans comment, Zootopie, ah, oui, mélange non, poisson, voilà. Poulet. Poisson, poulet, poisson blanc, poulet. Au curry, c'était immonde. Je l'ai goûté, c'était immonde. Il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire. C'est le problème, c'est que les snacks, on se dit, ah, ça va être des super snacks, ça va être bon. Puis en fait, non, il y a plein de snacks non. où c'est vraiment contre, des trucs trop... J'avais mangé des nems qui étaient super bons. Non, des rouleaux de printemps. Oui, après, c'est, c'est très... Enfin, en fait, faut regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Voilà. En fait, c'est la nourriture chinoise. N'attendez pas du tout à de la nourriture. Après, on a bien mangé le premier jour. On a mangé au restaurant, là, celui de Réponse, non ? C'est ça ? Oui. Où c'était de la viande avec du riz. Ah, c'était du porc avec du poivre. Mm. Du porc au poivre avec du riz, du soja. Et moi, j'avais pris, c'était du... Non, il y avait du bœuf aussi. Oui, du bœuf. Ouais. Et ça, c'était bon. Et les plats pour enfants, généralement, c'est... pas de sauce tomate avec une boulette. Ouais, regardez bien. Oui, ou des œufs avec des une pâtes. Omelette, une omelette 6 boulettes, je crois. Il y a beaucoup de légumes. Ouais. Chose que nos enfants n'aiment pas, mais du coup, ils mettent beaucoup de légumes. Et pourquoi une banane, je sais pas. Mais en fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est que là où nos gosses, à Disneyland Paris, par exemple, c'est du pop-corn, c'est des bonbons, des dragibus, machin. Là-bas, les gamins, c'est une tomate cerise, oui. Des fraises, mais, des bananes. Les enfants ne mangent pas comme chez nous. Bon, après, ils mangent plus équilibré, visiblement. Et puis même, on s'est fait aussi la réflexion qu'au niveau de la nourriture, contrairement aux États-Unis, où là, on baigne dans le gras et dans les trucs vraiment indigestes, là-bas, peu importe ce que vous mangez, franchement, c'est plutôt pas gras. Pas trop sucré. Pas trop salé. Pas trop salé. Franchement, c'est plutôt équilibré. Tout à fait. Ça change des États-Unis où on mange vraiment mal. Et je pense que c'est fait exprès, tu sais, parce que vu qu'un Chinois, est-ce qu'il mangerait vraiment des burgers et des frites ? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça que je dis que, comme disait Bob Iger, c'est distinctement chinois, la nourriture est basée. Là-bas, c'est vrai qu'ils mangent beaucoup de viande et souvent les viandes sont très bonnes, c'est très tendre, c'est mariné, c'est vraiment très bon. Ouais. T'avais pris un truc, un sorte de ramen. Ouais. C'était super bon. Ouais, ouais. Bah, la soupe avec la viande, là, c'était bon. Alors, par contre, j'ai pas compris le principe de mettre des tomates cerises dans de la soupe et leur espèce de gros oignon vert, là, qui n'a aucun intérêt dans les plats, mais bon, ils en mettent partout. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que c'était très bon. Les pâtes étaient très bonnes. Super bien mangé. Bon, par contre, moi, j'arrive pas à manger avec les baguettes. Alors là-bas, c'est que des baguettes. Ah oui, c'est que des baguettes. Ouais. Ouais, en fait, du coup, dites-vous. Donc, moi, je mangeais avec la cuillère à soupe. Voilà. Qui n'est pas une cuillère comme chez nous. Hein. C'est, c'est vrai que là-bas, cuillère plate. Préparez-vous, là. Ils n'ont pas de fourchette, ils mangent avec des baguettes. Si, ils peuvent donner. Si, les fourchettes, ils en donnent aux enfants. Aux enfants. Mais vous, en tant qu'adulte, ils ne vont pas vous en donner. Non, vous préparez-vous à manger avec des baguettes. Sauf quand on a mangé à Disney Town, on a mangé au restaurant de Donald, qui est plutôt un restaurant international. Enfin, avec de la nourriture internationale. En fait, en gros, si tu veux manger international... Faut aller à Disney Town, ouais. Bah, il y a un Starbucks à Disney Town. Après, il n'y a pas... un restaurant italien. Il n'y a pas que des restaurants avec la nourriture internationale. T'as aussi... des restaurants chinois dans Disney Town. T'as quelques italien, restaurants. Restaurant voilà, t'as un restaurant italien, t'as le restaurant de Donald où ils font burger, frites, pizza. Et après, les autres, on n'a pas trop regardé les menus. Non, non. Après, voilà, si vous voulez manger vraiment international, on va dire voilà. plutôt. Si vous voulez manger plus occidental, faut aller au restaurant de Disney Donald. Ouais. Qui n'est pas super forcément cher. Super cher, mais pas non plus donné. Non. Mais les glaces sont bonnes. Oui. Allez voir nos stories. Voilà. Bon alors, je pense qu'on a fait le tour. Sur la nourriture, oui, je pense. Ouais. Après, il y a pas non plus. Après, faut voilà, il y a pas. En fait, le truc, vu qu'en fait, chez nous, il y a tellement de snacks. Oui. Que là-bas, il y a pas. Non. Il n'y a pas de snack. Après, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que sur le côté, entre guillemets, gourmand et on se fait plaisir avec la nourriture, c'est je pense mort. Qu'en Chine, c'est pas la culture. C'est pas le lieu. Non. C'est pas la culture aussi, je pense. C'est vrai que ça nous a vraiment choqué de se dire que dans le parc... On pouvait même pas acheter un paquet de snacks. On peut pas acheter de snacks. C'est vraiment... Même un cookie. Il faut aller chez Cookie Hat. Oui, il y a qu'un seul endroit où on trouve des cookies dans le parc. C'est à Cookie Hat. Ou même des donuts ou des beignets. Non, même pas les beignets, je crois qu'il y en a pas. Si, il y a des beignets. Si, il y en avait. Je me souviens plus. Non, il y a l'espèce de gros truc là, de pâte feuilletée, là, le machin en carré là. Non, c'est pas pâte feuilletée, ils appellent ça le bread, je sais pas quoi, bread toast. Ouais, je sais pas trop ce que c'est ce truc là. On n'a pas goûté. Non. Non, toi, t'as goûté le. Faut aller à la pâtisserie quoi. Le truc, la tourte de poulet, toi. La tourte de poulet était très bonne. Mais il faut aller à la pâtisserie. Oui. Qui est à Mickey Avenue. Sinon, t'as. Et puis c'est. Enfin, en fait, au final, c'est que dans cette boutique là, mais c'est pas un snack en fait. Non, c'est pas un snack. Regarde, pour les 10 ans. Cite-moi un snack qui a été fait spécialement pour les 10 ans. Bah, t'en as pas. Non. Alors que chez nous, t'as un festival. Regarde là, t'as une glace qui est faite pour ça. T'as un cookie. Quand il y avait les 30 ans, t'avais le snack des 30 ans. Quand t'avais Halloween, t'as le snack d'Halloween. Quand t'as Noël, t'as les snacks mais de Noël. Mais qu'eux, ils font pas forcément de snack en fonction de la saison. Il y en a pas. C'est donc vrai. En fait, si vous dites, bah tiens, je me grille, j'achète après, les... un c'est pareil, les glaces, si vous voulez des glaces genre vanille et tout ça, dans le parc, il n'y en a pas forcément. Non. C'est plus des trucs un peu fruits, sorbets. C'est ça, ouais. C'est là, pas gourmand, quoi. Et c'est pas, en fait, c'est ce qui se distingue des autres parcs, c'est qu'il est fait à la mode chinoise, ce parc. Ouais. Et c'est pas, au final, tu regardes. Après, s'il faisait des chocolats, les trucs un peu chocolat avec de la chantilly, un peu sucré, mais s'ils prenaient ça, les Chinois. Mais nous, moi, j'aime pas ça, le chocolat chaud, donc j'en aurais pas pris. Mais si, espèce de bubble tea ou de thé, il y avait un petit peu, mais pas. Mais c'est pas un snack. Mais non, c'est de la boisson. T'as pas de snack. Nous, quand il y a un festival ou un Halloween ou Noël, t'as le snack de Noël, le snack de Noël. Oui, mais après, c'est pas le. C'est pas dans leur. Mais sûrement, c'est pas dans le culture. Non. Tu te dis, tiens, tu peux pas. Là, tu vas à Disneyland Paris, tu te dis, bah tiens, je me ferais bien un. Bah tiens, à Noël, le pain d'épices, sapin Noël. Tu arrives, tu trouves la boutique, t'achètes, tu manges. Là, bah t'as pas ça, tu peux pas te dire ça. Non. Tu dis, tiens, je me ferais bien un cookie. Je me ferais bien un café. Tu vois. T'es obligé d'aller à Mickey Avenue pour trouver de la boutique. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas partout. Donc. C'est vrai. C'est vrai que là où il y a de la nourriture plus internationale, il y a peu d'endroits dans le parc où il y en a. Il y en a, mais à Epcot, il y en a partout. C'est oui, mais bon, après c'est parce que là c'est chinois. Après faudrait comparer que si on fait Hong Kong, faudra qu'on fasse un comparatif entre les deux. Ouais. Mais je crois que ce sera peut-être un peu plus international que Shanghai, parce que Shanghai, je crois que c'est à part là-dessus. Ouais. Oui. Bon, moi je crois qu'on a tout fait sur la nourriture. Oui. Il n'y a pas de snack, voilà. Le bilan. Pas de snack bilan, et la nourriture chinoise. En tout cas, on a très bien mangé. Enfin, moi, je trouve que c'était... Oui, malgré ça, c'était de la bonne nourriture. Et peut-être, vaut mieux y avoir de la bonne nourriture... Avec peu de choix. ...que des trucs que partout de la malbouffe... Ils ont fait un reportage, tu me l'as montré, sur le profil Instagram. Ils ont fait un reportage sur justement les menus sur les menus des restaurants, dans les hôtels, les restaurants un petit peu chic. Alors, il y a bien sûr des restaurants à table aussi et des buffets. Mais comme on vous a dit, il nous manquait de temps. On aurait bien voulu un ou deux jours de plus pour les faire. On aurait bien aimé tester celui du Shanghai Disneyland. Qui est dans le château. Ah non, sur l'hôtel. Non, l'hôtel, celui de l'hôtel. Oui, Shanghai. Oui, l'hôtel Shanghai. Shanghai. Mais il y a aussi un resto Disneyland. Dans le château. Oui, il y a aussi le resto dans le château. J'aurais bien voulu l'essayer. Qui n'est pas si cher que ça pour un resto à table un petit peu gastro. Je crois pareil, que ça doit être le prix d'un buffet chez nous. Oui, mais ouais, les filles chez nous, elles sont difficiles, quoi. Le problème, c'est que ça reste trop original pour des enfants, quoi. Sauf si on part sans Salomé et Clémence. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faudrait partir sans les enfants pour faire ce genre de restaurant. On part sans toi. Non. Non, après, on aurait bien voulu le faire quand même pour l'ambiance. Au final, on a fait qu'un seul resto à table. C'était celui de Donald. Qui était bien. À Disney Town. On voulait faire le buffet. Oui, mais on n'a pas eu le temps. Oui, mais après, il fallait faire un choix. C'est soit on restait dans le parc, soit on revenait à l'hôtel. Parce qu'il faut savoir aussi que à Disneyland Shanghai, le parc ferme à 21h30 et qu'après 22h pour manger, c'est très compliqué. Alors en fait, le truc, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de couvre-feu. C'est l'impression, hein, qu'il y a une sorte de couvre-feu, c'est qu'en fait, à partir de 21h30, 22h, tout ferme. Oui. Tout ferme sans exception. Et tu ne peux plus rien accéder, dire plus de courses, oui, alors rien. Du coup, dans le parc, si vous êtes dans le parc, il faut savoir qu'à la fermeture du parc, il n'y a que les restaurants, que les boutiques, les restaurants qui sont dans Mickey Avenue, qui restent ouverts. Et Disney Town, c'est en train de fermer. Et Disney Town, c'est pareil. Il y a tous les restaurants qui doivent fermer genre vers 9h30, 10h. Donc nous, on s'est fait avoir. En fait, on s'est dit on mangera un peu avant la fermeture. Et en fait, on a trop tardé. Et en fait, on était à la course de savoir où est-ce qu'on va acheter à manger, notamment pour les filles, pour pouvoir. Pour qu'elles mangent, quoi. Bah, si, au final, on a pu acheter à Cookie Anne. À Cookie Anne, mais emporté. Mais il n'y a que Cookie Anne, en fait, qui. De toute façon, je pense que. S'il y a ça, il y a l'espèce de resto où on voulait aller, mais c'est que des trucs chinois. L'espèce de buffet, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Celui où on a voulu y aller, mais en fait on s'est dit non parce qu'il y avait que pour les filles, il y avait que des spaghettis boulettes. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Bah si, c'est le resto qui est juste c'est à côté. Celui à côté de Mickey Avenue. Ouais. Ah oui, je vois le food court. Voilà, l'espèce de food court là où on a voulu aller, mais c'est pareil, je pense que le soir c'est pas Mickey ouvert. Mickey Market. Voilà, Mickey Market. Ouais. Mais bon, au final, on a souvent terminé à Cookie Anne à manger un croissant au jambon ou un croissant à la saucisse et au cheddar. Voilà, donc dites-vous bien que si vous allez avec vos enfants, faites-les manger à 19h, quoi. Parce qu'après, c'est tendu. Et puis, on ne trouve pas de paquet de chips. Non. Ah non, il n'y a pas de snack, de toute façon, ça ne sert à rien, vous n'en trouverez pas. Sauf, donc, bah si, on a pu manger un petit peu plus tard, quand on était à l'hôtel Shanghai Disneyland, parce que y a un café où on peut acheter le ballet de café, où il y a des plats occidentaux, et ça ferme à 23h. Oui, bah c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc quand on est sorti du parc, on a fait le spectacle Illumination, ça se termine à 21h45. On a pris le bateau. On a pris le bateau. Parce qu'en fait, pour Shanghai Disneyland, le premier bateau. Vous pouvez prendre le bateau pour aller sur le parc. Pour aller retourner à l'hôtel, et du coup, on était à l'hôtel vers 22h10, donc on a pu manger dans ce café et c'était plutôt bon. Ouais. Puis bah j'ai pas l'impression que ce soit vraiment surgelé. Moi. Non, je pense pas. Je pense que c'est fait sur place. En tout cas, c'est. C'était une nourriture bien. À la culture chinoise. Après, c'est pas des plats exceptionnels. Hein. Moi, j'avais pris un sandwich au saumon fumé avec des sortes de petits chips de maïs. Alors dites-vous qu'ils mangent souvent épicé, hein, les Chinois. Oui. Par contre, ça faut être vigilant alors, là-dessus. Soyez vigilant. Demandez bien si la nourriture est spicy. Voilà. Mais souvent c'est noté, enfin que oui. C'est très épicé. Oui, ils t'en parlent quand c'est pas noté. Ils disent attention quand ils voient que vous êtes. Ils disent spicy, ils disent ça. Européens, ils disent attention, c'est épicé. Si c'est surtout quand ils voient que c'est des enfants. Et surtout n'oubliez pas que vous pouvez pas enlever un ingrédient. C'est ça. Voilà, c'est un peu. Voilà. Donc ouais, nous les filles, elles avaient pu manger. Au final, elles ont pu manger bien, tranquillement. Mais, oui. Oui. Mais comment? Salomé a pu manger des spaghettis boulettes là, ouais. Ils étaient bons. Ouais. Non, après, il faut chercher pour trouver le plat. Benjamin avait pris une pizza. Oui, un peu épicée, par contre, la pizza. Parce qu'ils disent un peu épicée, mais quand c'est un peu épicé, c'est quand même bien épicé. Bien épicé. C'est pas comme chez nous où c'est un petit peu épicé. Non, c'est épicé. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de la bouffe. Mm. Hein, et puis, rien qui me vient à l'esprit, à part le truc bizarre du restaurant qui est mi-Pinocchio, mi-Winnie l'ourson. Oui. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est chinois. Avec la pizza à l'ananas. À l'ananas, ouais. Ou pareil, les filles voulaient prendre les sortes de pâtes carbo, là. Au lieu de jambon, mais il y a des champignons dedans. Du coup, ça les a refroidis. Ouais, le gratin de pâtes, là. Ouais. Ouais. Donc, elles ont pris des pizzas qui étaient. Ouais. Jambon fromage qui était classique. Bon, classique. Ouais, encore, ils avaient les tomates dessus. Non, c'était pas jambon, non, c'était tomate mozzarella. C'était. Tomate mozzarella, mais avec. Fromage, juste fromage. Avec des tomates. Avec des morceaux de tomates. Alors Salomé, un dernier mot sur la nourriture en Chine. C'est bon. Ouais, c'est bon, mais il faut chercher. Oui. Ouais. Oui. Un peu compliqué quand même, hein, pour oui. Toi et ta sœur. Un peu compliqué. Surtout pour Clémence. Oui, surtout pour Clémence, que Salomé est un peu moins difficile que Clémence. Voilà, et puis pour vous parler de Disney Town, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est leur Disney Village à eux, qui est plutôt propre. Oui, c'est propre. Moderne. Mmh. Ils ont un super World of Mickey qui ressemble un peu à... Qui est vraiment très grand. Qui est très grand, qui est divisé en deux. Un côté Duffy and Friends et un côté World of Disney classique. Étant précisé que moi, il m'a fait beaucoup penser à celui de Disney Spring. Ouais. Circulaire. Oui, peut-être, ouais. Circulaire, etc. Donc c'était... Ouais, non. Après, il y a de la nourriture, il y a des restos, il y a des magasins pour acheter des vêtements de marque, Adidas, machin. Ouais, c'est plus, ça fait plus un peu. Il y a un grand Pop Mart. Truc de luxe. Ouais. Mais plus en tout cas. Des marques de luxe. C'est, il est différent d'une autre Disney Village, comme il est différent du Disney Springs. C'est leur petit Disney Village à eux qui est sympa. Après, ils ferment de bonne heure, quoi. Voilà. Chez nous, ça ferme tard. À Orlando, je sais pas à quelle heure ça ferme, mais je pense que ça ferme tard aussi. Mais là-bas, c'est comme le parc, à 21h30. C'est pas très étendu, quoi. Le Disney Town, ouais. C'est petit. Il y a que des magasins, des restaurants, et pas grand-chose d'autre à voir dans les allées. En tout allées, cas, c'est quoi. Mignon, comme... Mais c'est mignon, ouais. C'est pavé, c'est... Ouais. C'est juste, un petit style chinois aussi, avec les... Oui, oui, il y a de la musique. Ouais, la même musique à Disney Village, j'ai l'impression, des fois. Oui, bah après, c'est de la musique... pas de la musique chinoise, quoi, de la musique internationale. Bon après on s'est pas tellement attardé au Disney Town mais bon c'est à voir quand même. Après de toute façon quand vous séjournez à l'hôtel vous allez forcément à Disney Town puisque le matin quand vous allez dans le parc l'entrée privilégiée pour les résidents des hôtels se trouve à Disney Town donc vous allez forcément passer par Disney Town et quand vous reprenez le bus avant 17h dans la journée, c'est par Disney Town. Après, c'est au niveau du parking. De toute façon, c'est bien indiqué. Hein. Ils vous disent où il faut aller en fin de journée pour reprendre le bus. Après, nous, on a quand même fait l'expérience d'aller du parc à pied jusqu'à l'hôtel. Ouais, c'était long. C'est un petit peu long quand même. Ouais, ouais non, vaut mieux prendre les bus. Vaut mieux prendre Cherchez le bus. Même pas. Cherchez même pas. Après, on a l'impression qu'on était un peu les seuls à l'avoir fait. Hein. Mais par contre, ça craint pas du tout non. De nuit. C'est très sécure, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je crois que c'est le pays où c'était le plus sécure. Ouais, c'est ça. Franchement, on a vu beaucoup de... Il y a beaucoup de policiers, de policiers qui font la circulation, etc. Après, contrairement à Orlando, vous avez des endroits où vous pouvez marcher. Il y a des trottoirs. Enfin, ça pose aucun souci de faire le trajet à pied. Pour aller au Toy Story Hotel. Bon, par contre, on trouve que c'est un petit peu loin. Par contre, si vous faites le Shanghai Disneyland Hotel, le trajet est plus court. C'est assez sympa, le petit trajet à faire en passant par le pont, là, si vous prenez pas le bateau, ou une navette bus. Parce que je crois que la navette bus, tu peux le prendre à l'entrée de l'hôtel. Hein, oui. Et il te dépose à l'entrée de l'hôtel. Après, nous, on l'a fait qu'une fois à pied. On s'est dit, tiens, on va le faire à pied, ça va être sympa. On l'a fait qu'une fois. Si t'avais une phrase, une expression à donner à ce parc. Une expression à donner au parc. Un mot, une ligne. Un mot. Une ligne. Ah, moi, je dirais l'espace. C'est ouais. Spacieux. Ouais, c'est ça. Spacieux. C'est ça que t'as retenu surtout. Bah, qu'il y a beaucoup d'espace, ouais. Bah, c'est ça qui frappe. Et puis le château immense, quoi. Moi, je dirais plutôt un Disney à la chinoise. Disney, bah, ça fait pas un mot, Disney non, à la chinoise. Ça fait une expression. Ouais. Oui, après, si on. Un Disney à la mode chinoise, quoi. Bah, c'est pas un Disney international, quoi. Ouais. C'est, ouais, un non, Disney, c'est un Disney à part, mais en même temps, ça choque pas. Ça nous a pas choqué. Il est pensé avec l'esprit des Chinois. C'est ça. C'est pas un. Un Disney qui va... Qui refait de l'occidentalité. Voilà. Et puis on... Et c'est ce qui fait qu'on a moins de que l'apprécier. On a moins de repères, du coup, que si on fait les Disney américains. On... Oui, parce que... On perd un peu les repères Orlando, parce que c'est pas la même chose. Non, t'as pas... T'avais des c'est repères, pas calqué t'as dessus. T'as pas Frontierland, t'as pas de Main Street. T'as pas de repères familiers, entre non. guillemets. Non. Après, si tu vas à Orlando, t'as aussi Epcot, qui est pas du tout un parc qui existe chez nous, et Animal Kingdom, qui est complètement à part. Alors, il y a autre chose, c'est que ce parc-là est amené à grandir, parce que j'ai regardé un peu les actualités, et il y a deux hôtels en cours de construction. Oui, on a vu, il y en a un à côté du Shanghai Disneyland Hotel. Et il y en a un autre qui est en train de se faire construire. Et là, ils font le land Spider-Man avec l'attraction. Et moi, donc, il y aura plus de Marvel. Plus de Marvel. Et je pense un truc, c'est qu'à mon avis, on en parlera dans 10 ans, Julien, mais à mon avis, il est tellement amené... Il y a tellement moyen de l'agrandir. Et en plus, ils construisent tellement vite, là-bas, que j'ai l'impression qu'il va concurrencer à un moment donné Walt Disney World. Pas tout de suite, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'ils vont faire un sorte de Walt Disney World à l'asiatique. Moi, je suis pas convaincu quand même que les Américains aient très envie d'aller dans les parcs chinois, mais... Mais oui, parce que ça dépend. Regarde, nous, ça nous gêne pas parce que on aime bien la culture chinoise, mais t'avais des Russes quand on y est allé. Oui, il y avait d'autres... Il y avait des Anglais. Il y avait d'autres personnes de type européen, mais effectivement, les Français, on n'en a pas vu... Non, si, on a vu deux couples. Peut-être, ouais. Quelques Français. Après, oui, beaucoup de Russes. Mais pour te dire, c'est que... Des Anglais, peut-être. À mon avis, l'Angleterre, il n'a que 10 ans, donc c'est un jeune parc. Donc, à mon avis, je viens de te dire, je pense que dans 10 ans, les autres parcs d'attractions Disney, eh ben, ils auront une vraie concurrence. Mm. Mais vrai. Mais je pense que c'est un parc à part parce qu'effectivement, il n'a que 10 ans. Et donc, ils ont dû faire les choses... Construit en 5 ans. Oui, puis faire... C'est énorme ce qu'ils ont fait en 5 ans. Oui, oui. Oui, non, mais c'est sûr. C'est gigantesque. C'est quand même impressionnant. Et le Land Spider-Man, ils l'ont construit en moins d'un an. Quoi. En un peu plus d'un an. C'est quand même impressionnant. Là où la Reine des Neiges, il a fallu je ne sais pas combien de temps. Oui. Mais il a fallu beaucoup de temps. Mais franchement, les détails, tout ça qu'il y a là-bas, c'est quand même pas rien. Quoi. C'est beau et ils ont quand même bien bossé. C'est beau, impressionnant. Et... Mmh. Après, ils ont fait l'impasse sur les files d'attente. Oui. T'as l'impasse qui est faite. On voit bien qu'ils ont quand même fait l'économie de certaines choses. Je pense. Et l'immersion se fait quand même énormément dans les files d'attente. Et c'est ça qu'on peut reprocher au parc de Shanghai Disneyland, c'est que les files d'attente sont très pauvres en majorité. Si on ne tient pas compte de Zootopie, après Zootopie, c'est quelque chose qui a été fait plus récemment. Donc ils ont pris le temps, peut-être plus, de faire. Je pense pas. Je pense qu'ils ont pris le temps de le faire parce qu'ils savent que c'est un land qui allait plaire aux Chinois. Ouais. Et donc du coup ils ont. Ou alors peut-être que les Chinois ils s'en foutent que la file d'attente soit pas thématisée. Hein. Je t'avouerais qu'il y avait que quand on regarde bien la file d'attente quand on la faisait, je pense qu'il y avait que nous qui étions admiratifs devant la file d'attente. Oui, après ils prennent quand même des photos, mais. Enfin, ils sont tout le temps sur leur portable. Tu vas me dire, c'est pas. Est-ce qu'ils ont bien vu autour ? Ça, je sais pas. Bon. Bah après, c'est sûr qu'ils vont pas avoir un avis sur le fait que. Un restaurant Pinocchio Winnie c'est une aberration ça non ils n'ont pas ils n'ont pas les références pour dire non c'est pas possible donc après oui eux là-bas tout est possible il y a des choses qui y a pas de cohérence mais c'est pas grave oui parce qu'en fait quand tu regardes et encore je maintiens pour moi quand ils vont là-bas parce qu'en fait ils ont la culture de la famille là-bas ils y vont pour passer un moment en famille, faire des attractions en famille, aller voir des personnages en famille. Oui. Tu vois bien, il n'y avait que des familles. Oui, mais c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est plus un côté divertissement, ouais. Sorti en famille, parce que je ne sais pas ce qui peut exister en Chine comme parc d'attractions. Si, il y a Universal, ça, tu disais, à Tokyo. Non, à Hong Kong. À Hong Kong. J'ai cru comprendre qu'il y avait Universal à Hong Kong. Universal à Hong Kong. Donc effectivement, si, je crois que ça existe aussi à Tokyo, mais... Oui, aussi. Mais bon, en tout cas... Ils pourraient le faire à Shanghai, je suis sûr que ça marcherait. Probablement. Mais et encore une fois, je reste persuadé que les attractions, certes, sont pauvres en file d'attente, comme tu dis, mais regarde comment c'est massif, les entrées et sorties d'attractions. Oui, oui. Ils peuvent emmagasiner un nombre énormément de visiteurs pour l'attraction. Rien que Pirates, je suis sûr qu'on passait par... c'était 3 bateaux à 36. Mm. T'as presque 100 personnes qui passent à chaque fois. Et pareil pour Zootopie. C'est... Comme tu dis, c'est immense. Oui, et oui. En fait, le parc est fait justement pour... Bah après, pour emmagasiner pour un très grand nombre de spectateurs. Emmagasiner un certain nombre de visiteurs. Parce que là-bas, qu'en fait, là-bas, ils viennent en famille. Mm. Mais, en fait, regarde bien. T'avais toujours la même structure de famille. Grands-parents, parents-enfants. Regarde bien. Réfléchis. Mm. C'est tout le temps 5 à 6 personnes à chaque fois. Grands-parents, parents, enfants. Réfléchis. Moi, j'ai remarqué ça. Mais oui, c'était plutôt ce schéma familial. En même temps, la Chine, c'est un des seuls pays qui a impose un nombre d'enfants. Donc forcément, la famille va être calquée sur le même modèle. Là-bas, il n'y a pas de famille nombreuse, puisque maximum d'enfants, c'est 3 enfants maintenant. Et encore, ils ont toujours le réflexe de l'enfant unique. Après, on a beaucoup vu de familles avec 2 enfants. Mais autre chose qui me persuade que c'est un parc fait pour les familles aussi, c'est le fait qu'ils ont fait des énormes places où, en fait, avec des tonnelles où tu peux pique-niquer tranquillement, te poser, t'allonger dans l'herbe. Et dans la zone Winnie, par exemple, t'avais une grande place avec une tonnelle. Oui, parce qu'eux, ils ont le droit de marcher dans l'herbe, c'est ça? Oui, ils ont le droit de marcher dans l'herbe. Nous, on n'a pas le droit, mais eux, ils ont le droit. Enfin, ils y vont pas non plus. Non, ils y vont pas forcément, mais que nous, ça nous avait choqué devant l'hôtel Shanghai. Qui traverse sur l'herbe. Disneyland, qu'ils traversaient les pelouses. On était les seuls débiles à faire le tour de la place. Bah oui, on s'est dit, mais ah bon, on a le droit de marcher dans l'herbe, c'est bizarre. Et en fait, non, apparemment, là-bas, ils ont le droit. Alors après, peut-être qu'ils sont plus respectueux. En même temps, c'est pas marqué. Non, c'est vrai que c'est pas marqué. Et je pense que quand t'as pas le droit, c'est marqué. Voilà. Effectivement. On a fait le tour. Oui, un long podcast, hein, on est. Je pense, oui. Mais il y avait des choses à dire. Oui. Je maintiens que je mets dans la tête quand même, il y a Spider-Man l'année prochaine. C'est vrai qu'il a l'air pas mal quand même. Elle a l'air pas mal, cette attraction. On n'a pas tout fait. C'est un coaster, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coasters là-bas. Non, il n'y a pas beaucoup d'attractions. Il n'y a pas de base. Enfin, si, mis à part Tron, qui est vraiment un coaster où ça va vite, mais apparemment moins vite qu'à Orlando, d'après ce que toi tu disais. Alors, oui, c'était peut-être moins inconfortable qu'à Orlando. Après, moi, honnêtement, Tron, c'est très beau. C'est très futuriste, tout ce qu'on veut. Par contre, moi, j'ai vraiment du mal avec la position du motard, là. Je trouve que c'est vraiment pas agréable. Après, je pense que je ferais pas de moto. Hein. Je crois que c'est pas un truc qui m'intéresserait. Mais c'est vrai que l'attraction, je suis pas fana parce que la position dans laquelle on est, même si ça dure pas longtemps, je trouve que c'est pas la meilleure, quoi. Bon, on a fait le tour, là. Si t'as fini sur Tron, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Bah, c'est ça. Mais après, je voulais juste te dire, effectivement, qu'il n'y a pas de coaster, mis à part Tron. Après, c'est pas dérangeant, en fait. Après, il y a Pirate. Mais c'est pas un coaster. Zootopie, ce n'est pas un coaster. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est... Non, c'est pas un coaster. Non, mais moi, je pense pas. Je pense qu'ils ne sont pas fans de sensations fortes. Ouais. Donc, ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas plus de... d'attractions un peu fortes avec des sensations fortes, mais en même temps aux États-Unis quand tu regardes la plupart des attractions sont quand même moins entre guillemets violentes que chez nous, quoi. Ouais, avec chez nous vraiment. Ah oui, il y a un truc, il y a pas de Phantom Manor. Ah oui. Alors on a su pourquoi. Parce que là-bas, il y a un sorte de respect des ancêtres. Des ancêtres. Ouais, des fantômes, des morts. Et du coup, c'est même pas illusoire C'est pas envisageable de mettre un Phantom Manor là-bas. C'est pas envisageable. Même de faire un truc du style hanté, c'est impossible. Ouais. Donc du coup, à Hong Kong, c'est pareil, il n'y en aurait pas. Non, c'est un manoir magique, avec un singe qui fait des bêtises. Oui, c'est ça. C'est Mystic Manor. C'est le Mystic Manor, mais c'est à Hong Kong. Je sais plus si c'est à Hong Kong ou Tokyo. Bah, je sais pas. On a tendance à confondre les deux. Parce qu'il y a Duffy and Friends aussi. Oui. Voilà. Mais nous, on préfère pas Duffy, c'est Linabelle. Alors Clémence, c'est Linabelle. Olumel. Tortouillou. Olumel. Non, c'est Tortouillou. Oui, Tortouillou, si tu veux. Parce que la tortue, je l'appelais Tortouillou. Voilà. Et Julie, elle appelle par son vrai nom. Et Linabelle, c'est un renard. Un renard détective. Qui réussit bien ses enquêtes. Ouais. Et Salomé, elle aime bien ses gélatos. Et oui, on aime bien Cookie Anne, du coup. Cookie Anne, oui, elle fait des bonnes pâtisseries. Elle fait des bonnes pâtisseries. Voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, Cookie Anne, l'histoire, parce que je ne sais pas si tu as vu l'histoire réelle de la pâtisserie, Julie, mais la pâtisserie a été créée par Minnie et c'est Cookie Anne qui a donné ses recettes à Minnie. Ah, d'accord. En fait, voilà. En fait, c'est comme chez nous, il y a des histoires dans chaque boutique. Oui, il y a quand même quelque chose qui est lié à Disney quand même. Le dernier jour, t'avais envie de partir ou pas? Non, on avait quand même envie de continuer à découvrir le parc. Moi, il m'aurait fallu une ou deux journées de plus. Ouais. Au moins faire les restos. Je pense pour vraiment tout faire, faire tout ce qu'on avait envie de faire. Au-delà de tout faire, on est des gens qui ne se... Nous, on se presse jamais dans un parc. quand on a entendu des podcasts où des gens le faisaient en une journée, deux jours, ils disent ça suffit ouais, non, largement. Nous, c'est pas notre style. C'est pas notre. Nous, on aime bien. C'est juste se promener dans le parc. Ouais. Analyser les choses. Puis nous, on fait pas de programme non plus. On va pas dire tiens tel jour on va faire telle attraction. On peut prendre une après-midi pour faire genre trois attractions et par contre flâner dans les jardins. Là il y a moyen de passer je sais pas combien de temps dans les jardins. C'est vrai que là il y a vraiment on a vraiment l'occasion de se balader et que tellement les espaces sont grands. On n'est pas vraiment on se sent pas oppressé par le monde. Prendre le temps de manger. Ouais voilà prendre le temps de se poser de manger. Se dire tiens on va plutôt faire un spectacle plutôt que qu'une attraction voilà prendre son temps si tu si moi je pense on a eu on a fait 5 jours là-bas du coup il manquait au moins une journée au moins ouais on a fait combien de jours au final 5. Sur le parc le jour en arrivant 2 jours après on a fait une journée à Shanghai plus 2 jours ça fait 5 2 plus 1 plus 2 plus 2 ouais 3 jours ouais c'est ça 5 jours il manquait une journée au moins ouais alors j'aurais après, bien voulu faire les restos peut-être 2 jours après la première journée on a comme on était fatigué, comme on avait le jet lag, on est parti à 15h30. Oui. Non, on est parti plus tard que ça. Non. Non. Non, non, 15h30. Oui, on a profité de l'hôtel après. Bah oui, enfin, on a profité de se reposer surtout, mais c'est peut-être Clément, aussi pour ça. Clément, ça a profité de manger une grosse glace à l'hôtel. Voilà, c'est une ça. Une glace pile poil, ils ont fait une glace pile poil avec deux ou trois boules de chocolat. Bon, au final, pour conclure, Julie, Shanghai Disneyland n'est pas seulement un parc Disney en Chine. C'est aussi un parc pensé avec la Chine. Oui, je lis ma conclusion. on sent quand même cette volonté de traduire la magie Disney dans une culture différente, sans être un copier-coller de tous nos parcs occidentaux. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a marqué dans ma visite de ce parc, c'est que c'est un parc Disney, mais avec une ambiance de culture chinoise. Voilà, c'était un long podcast. Merci Julie. Merci à toi de t'inviter. De nous inviter. Alors, Salomé est déjà parti. Voilà. Voilà. Et Clémence, voilà, et Clémence est déjà parti aussi. Voilà. Voilà, depuis le début. Depuis le début, ouais. Clémence, elle a dit bonjour et puis elle est repartie. Et puis Salomé, bah, du coup, je pense que, comme tous les enfants de son âge, si ça va pas vite, elle s'en va. Bref, pour dire, c'est que c'est un coup de cœur. Et on y retournera. Assurément. Oui. Puis franchement, nous, on n'est pas déçus d'avoir fait 5 jours là-bas. Parce qu'honnêtement, une journée, on n'aurait pas du tout apprécié de faire qu'une seule journée là-bas. Si demain, un pote te dit « Ouais, Julie, Benji, j'y vais en avril 2027. » Tu dis quoi ? Ah bah, on serait tenté d'y retourner quand même. Mais peut-être pas 5 jours. Oh. Je sais pas. Comme on l'a déjà fait une fois. Ouais, mais la Land Marvel. Ouais, ouais. Pour c'est, un ligue... c'est à réfléchir. À réfléchir. Bon, en tout cas, le... Mais c'est un budget quand même. L'annonce faite... Surtout, finalement, ce qui coûte le plus cher dans le voyage, c'est le... C'est le billet d'avion. Est-ce que sur place, ça coûte pas... Sur place, ça va, on va dire. Après, la nourriture dans Disney reste plus chère que en Chine. Parce que non, après, si tu veux manger pas trop cher, il faut aller au Disney Town. Ouais, Disney Town peut-être un peu moins cher. Mais après, dans Shanghai, est-ce qu'on a fait une visite oui, à Shanghai dans Shanghai, c'est moins cher. Ouais, on a payé 20 euros pour 5. Oui, voilà. Donc le manger dans Disney, c'est quand même, ça reste relativement cher pour la Chine, je pense. Non, après, votre plus gros budget, ce sera le billet d'avion. Parce que pour le reste, parc plus hôtel, c'est moins cher. Et sur place, la bouffe, elle n'est pas excessive. Ouais. Après, le merch, alors même si c'est made in China, il reste quand même accessible. Plus accessible que chez nous. Mais après, voilà, ça dépend quoi. Et faut savoir aussi que là-bas, il n'y a pas du tout de merchandising vêtements. C'est pas la majorité. Non, mais non, il n'y en a pas. Y en a, y c'est en que a, des peluches, y a pas de, des porte-clés. Il n'y a pas de jersey là-bas, ça n'existe pas. Ouais. Nous, on a acheté du merchandising. Ils sont sortis pour les 10 ans un gilet, un t-shirt. Puis à l'hôtel, ils vous font des cadeaux. Donc, du coup. Oui, à l'hôtel, vous avez des cadeaux. Chose qu'ils ne font pas dans les autres parcs. Hein. Nous, on n'a pas eu de cadeaux à Orlando du tout. Enfin, si, des stickers, mais si on peut appeler ça des cadeaux. Mais en tout cas, là-bas, oui, le merchandising est quand même moins cher que chez nous. Surtout les peluches. Alors que c'est made in China. Hein. Surtout par rapport aux États-Unis où là c'est très cher. Que là c'est quand même plus accessible. Une grosse peluche, j'en sais rien moi, ça va être. Nous c'est 100 balles, c'était combien t'avais dit ? 60. 60. Une grosse peluche vraiment, 60 euros, c'est quand même pas cher. Après, là-bas, pas de vêtements floqués Disney. Les gens sont pas fans de Disney au point de porter des vêtements Disney. On n'en a pas vu. Non, il n'y a pas Disney Bound. Non. En fait, ils sont habillés en comme les poupées, là. Ouais, ils vont se déguiser plus. Soit en Nick et Judy, voilà. En animaux. Mais les vêtements Disney sont pas fans. Ou en Duffy and Friends. Ils n'achèteront pas et du coup, il n'y a quasiment pas de merch là-dessus. Si, c'est pas un Disney Bound là-bas. C'est du band de Duffy and Friends. Oui, c'est ça. C'est pas Disney Bound, c'est du band. C'est plus de par rapport à un personnage. Ils vont mettre les oreilles, ils vont mettre un chapeau. Ils vont mettre la robe rose de Lily Labelle. Ils vont faire, mais c'est plus par rapport au personnage de là-bas, plus qu'autre chose. En fait, par contre, là-bas, c'est énormément de porte-clés. Ouais. Ils vendent énormément de porte-clés, de petites peluches. Kawaii. Il y a beaucoup de choses mignonnes et... Mais au final, c'est pas un séjour qui coûte extrêmement cher. Par rapport aux États-Unis, où pour le coup, au niveau nourriture, ça coûte une fortune. Aux États-Unis, Là, c'est plutôt raisonnable. Plus que raisonnable. Après, le merchandising aux États-Unis, si vous faites pas les outlets, ça coûte un bras. Chez nous. C'est hyper cher. Bah, chez nous, ça nous paraît moins parce qu'on a le passage. Après, je pense, en gros, pour ceux qui veulent savoir en matière de tarifs, le billet d'avion, c'est entre 750 et 950 par personne. Aller-retour. L'hôtel, on a donné les montants. Oui, l'hôtel, c'est... Le billet d'entrée, il faut compter 50 euros pour un adulte et 45 pour un enfant. Ce qui n'a rien à voir avec nous aujourd'hui, puisque chez nous, à Disney, c'est le double. Le tarif le moins élevé, c'est nourriture. Parce qu'au final, sur place, si on fait merch plus nourriture, on en est pour 1500. Pour 5 jours. Donc au final, tu t'en sors pour quelqu'un de seul à 2000 balles. Quoi. 2005. En fait, c'est l'équivalent d'Orlando, je pense, en 10 jours. Oui. Après, Orlando, ça nous avait coûté quand même très cher en nourriture. Oui, parce que ça coûte cher, la nourriture, là. T'as le tips, t'as le machin. Ouais. C'est pour ça qu'on a quasiment pas fait de resto à table. Ouais. Mais surtout qu'on n'avait pas le temps de faire des resto à table. Oui, et puis pas l'envie non plus. Se balader dans Epcot et grignoter un truc devant le lac, c'était beaucoup mieux. Oui. Après, chacun ses goûts. Oui, c'est ça. Voilà, bon, on va vraiment conclure, là, Julie. Bon, en tout cas, merci à tous pour avoir écouté ce podcast. Merci, Julie, mon amour, d'avoir participé. C'est adorable. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous donnera un peu aussi, du coup, une idée sur Shanghai Disneyland. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en écrire en commentaire ou en message privé. On vous y répondra. En tout cas, c'était pas difficile du tout pour réserver les billets d'avion, encore moins pour réserver les billets et les billets d'entrée et puis l'hôtel. Ça se fait tout seul comme quand vous achetez vos billets pour Disney World. C'est pas plus compliqué et c'est pas moins compliqué. Après, il faut juste se mettre à la page par rapport aux choses qu'on doit avoir avant d'arriver en Chine. Les applications. Voilà. Les applications notamment. Voilà. Les Alipay, WeChat. Ça a une petite préparation quand même. Et surtout le VPN. Et le VPN. Sans ça, ça va être difficile. Sans VPN, vous n'aurez plus accès à vos applications là-bas. Donc ça peut être sauf un peu WeChat, galère. Si vous avez touché WeChat. Mm. Parce que WeChat là-bas, ça fait à la fois Instagram, Facebook, WhatsApp. Voilà. Enfin bon, après, avec le VPN, ça fonctionnait quand même. Mm. Mais il faut se dire que la connexion Internet, même avec nous, notre connexion Internet qu'on avait, notre abonnement international, des fois, ça fonctionnait un petit peu au ralenti, quoi. Ouais. On voit bien qu'on n'est pas dans un pays où tout peut transiter comme il veut, quoi. Ouais. Tu vois bien que t'es limité. C'est ça. La bande passante, il la limite vraiment quand même. Ouais, c'est pas comme chez nous. Mais bon, mis à part ça, tout le reste était plutôt simple. Et Alipay surtout. Alipay, c'est ça. Dites-vous que ça, sans ça, vous aurez pas. Le cash, ça sert à rien. C'est ça. Ça sert à rien. Et puis du coup, on se dit pourquoi on n'a pas ça chez nous, parce que c'est quand même bien pratique. Ouais. Passer un code barre, enfin un QR code à chaque fois qu'on paye, franchement, c'est génial. Et puis on se dit pas j'ai pas de liquide sur moi. Ce genre de truc à l'IP, ça, tu vois bien, ouais. Ça a mis fin à la monnaie papier. Oui. Ça a mis fin à la monnaie papier en Chine. Voilà. En France, tu mets ça, les gens sont encore trop attachés au cash. Il faut surtout pas oublier d'avoir cette application. Ouais, sans ça, ça va être difficile. Voilà. De toute façon, il vous le dit, je crois, quand on est rentré, il nous avait demandé si on avait à l'IP. Ouais. Après, je sais pas si tu peux télécharger sur place à l'IP, je pense quand même, vu que c'est un truc autorisé chez eux. Je sais pas. Mais je crois que moi, j'arrivais même pas à me connecter sur l'Apple Store. C'est quand même flippant, quand tu en parles à l'immigration, tu te dis, la vache... Enfin, on voit bien que l'application, elle nous suit quand même. Parce que c'était marqué, vous payez à tel endroit, tel truc, machin. Oui, on avait carrément le ticket de caisse avec... Là-bas, on est suivi, on est surveillé. C'est pas dérangeant. On sait qu'on entre dans un pays où, voilà, c'est comme ça. Faut être alors, habitué. Il faut aimer la reconnaissance faciale partout. Oui. Ça, vous avez, ça, oui, parce c'est... que ça, à chaque fois que vous rentrez dans le parc, ils ont votre tête sur le passeport, mais tous les jours, ils vous prennent en photo quand même. Ouais, tous les jours. Comme dans l'hôtel. C'est ça. Comme ils vous prennent même en photo sur la rue, à chaque feu rouge, et sur l'autoroute. Ouais. On pourra en faire un grand livre de ça. C'est particulier, mais c'est la Chine. Ouais. Merci en tout cas d'avoir écouté. Si vous avez des questions sur Shanghai Disneyland, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou en message privé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.